Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble pour la 21e fois de la saison dans le cadre d'un débrief de Grand Prix, puisqu'il y a eu le week-end du Brésil avec le Grand Prix de Sao Paulo ce week-end. Un Grand Prix remporté par Lando Norris, le lendemain d'un sprint remporté par Lando Norris. Devant Kimi Antonelli et Max Verstappen qui était troisième de la course, c'était George Russell qui était troisième du sprint et Antonelli était deuxième également. Un week-end alors fort agité, hein, comme souvent au Brésil, hein, de toute façon un circuit qui est quand même propice à des courses animées, à des week-ends souvent bien chargés puisque ça fait maintenant beaucoup d'années, depuis 2021 que c'est un sprint. Et surtout la pluie qui est un petit peu venue mais pas autant que prévu, et puis forcément pas mal de choses dans le week-end. On est trois pour discuter de tout ça puisqu'on va avoir un sacré programme. Il y a Franck avec moi, ça va Franck? Bonsoir tout le monde, bah écoutez oui ça va être un super débrief je crois, il y a pas mal de choses à dire sur cette course, effectivement, le sprint aussi évidemment, préparer les pop-corns, les ravitaillements, la flotte, tout ça. Heureusement demain c'est férié, vous allez pouvoir vous coucher tard, donc restez avec nous. Ça, c'est du nocturne ce soir. Donc... Et il y a évidemment Alex avec nous. Ça va, Alex? Ça va très bien. Avec le Brésil ne déçoit jamais. Il n'a pas déçu non plus cette année avec une course à rebondissement et qui va compter sûrement très très cher pour le titre mondial. En hommage à McLaren, j'ai mis ce pull un petit peu orange, mais un petit peu pâle, hein, un petit peu à l'image de la deuxième moitié de saison de Piastri. Et puis voilà, c'est pas un orange flamboyant à la Norris de ce week-end, c'est un peu plus compliqué. Bonsoir à Robin Bertrand qui dit son premier message dans le chat. Alors effectivement, un week-end chargé, on va commencer immédiatement évidemment avec McLaren. Un week-end d'abord de Lando Norris qui a été parfait, puisqu'il a été poleman du sprint, vainqueur du sprint, poleman de la course et vainqueur de la course. C'est la deuxième fois seulement qu'un pilote arrive à faire les quatre. La première fois, c'était au Grand Prix des États-Unis il y a trois semaines, puisque Max Verstappen avait fait la même chose. Et effectivement, un week-end, alors on a eu un peu peur pour Norris, parce que la pluie était annoncée en course et que lui-même disait qu'il n'était pas forcément à l'aise avec cette idée qu'il y ait des grosses pluies. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et Norris, de gala, avec absolument un week-end totalement maîtrisé de A à Z, Franck. Lando Norris des grands jours, hein, on va dire ça, effectivement. C'est sur la lancée du Mexique, effectivement, il confirme qu'il a vraiment retrouvé le mojo, comme on dit, hein, voilà, il est vraiment sur une bonne lancée. Il s'est remis sur les rails au moment où effectivement Piastri a un peu plus souffert sur des circuits à l'adhérence précaire, on va dire ça comme ça. Donc peut-être un style de pilotage qui convient mieux de son côté à une McLaren qui manque peut-être un peu de grip mécanique sur ce genre de piste, et ben du coup il en profite, hein, Austin, Mexique, et maintenant le Brésil, c'est autant de grands prix où il est remonté et même largement dépassé maintenant Piastri au championnat. 24 points d'avance, il peut se contenter de terminer deuxième à tous les grands prix qui restent, y compris le sprint, et il sera quand même champion, derrière Piastri évidemment, bon, derrière Verstappen, c'est encore loin, j'en parle même pas, mais effectivement, voilà, il a mis, Lando a vraiment mis une main sur le titre ce week-end, clairement. De mon côté, alors 24 points d'avance sur Piastri, effectivement c'est pas joué, il en reste 83, hein, donc 3 fois 25 et puis les 8 du sprint au Qatar. Ce qui nous fait donc 83 points maximum à marquer. 24 sur 83, ça commence à être une belle avance. Il a quasiment un joker, on va dire. Hein, voilà, on peut dire qu'il a un joker qu'il peut utiliser, sachant que sur la moyenne d'une année, il n'a pas besoin de beaucoup. Il en a déjà eu même déjà cramé un, mais même pas par sa faute à cause de son moteur à Zandvoort, on vous le rappelle. Il a cramé un par sa faute au Canada aussi, quand même. Oui, voilà, mais bon, il y a un peu moins de points en jeu aussi, c'est vrai. Donc, heureusement, Piastri n'avait pas souffert d'ailleurs. Mais voilà, et Verstappen derrière, parce que bon, faut compter maintenant l'écart plus par rapport à Norris que par rapport à Piastri, puisque là Piastri Norris s'est détaché de Piastri. Verstappen 49 sur 83, autant dire que voilà, il faudrait que vraiment Norris souffre deux fois de suite sur trois grands prix avec un 25-0 pour que Verstappen ait une chance. Clairement, là les mathématiques et les probabilités sont clairement pas du côté de Verstappen. Après, rien n'est impossible évidemment, mais ça commence à sentir plutôt bon du côté du pull orange d'Alex qui peut reprendre de plus en plus de couleurs, je pense, et qu'ici à Abu Dhabi on retrouvera les vraies couleurs de McLaren. Voilà, on lui offrira la lessive qu'il faut pour lui donner un peu plus d'éclat. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire moi sur le week-end de Norris qui a été vraiment vraiment impeccable en tout cas. Ça doit faire 6 sessions consécutives qu'il domine, je crois. Si je ne me trompe pas d'erreur, Mexico, Il a tout dominé. Là, il a dominé les essais libres, la quali sprint, le sprint, les qualifs et la course. Donc, c'est vraiment très impressionnant, encore une fois, hein, en tant que pilote, dont on critiquait dont certains critiquaient la faible résilience mentale, ce que Norris a vraiment qualifié d'absurdité. On voit ici que les absurdités, bah, sont clairement démontrées. C'est le pilote le plus fort mentalement. Alors, c'est d'autant plus impressionnant que ce n'était peut-être pas le pilote le plus rapide tout le temps. Notamment, on va y revenir en Grand Prix avec un certain Max V, mais c'était le pilote le plus constant, le plus régulier, aucune erreur. Alors peut-être c'est vrai qu'il a quand même eu chaud en passant sur les vibreurs là, durant le sprint, hein, ça c'est sûr, en ayant ses projections d'eau. Mais voilà, depuis Monza, depuis que la McLaren a évolué, on l'a dit, hein, Norris, il a commencé la saison, il a dit publiquement le style de la pilotage de McLaren. La McLaren ne lui allait pas du tout, ne lui convenait pas du tout. Et petit à petit, la McLaren a évolué, bien entendu, et donc le style de pilotage est doucement, mais sûrement revenu du côté de Lando Norris. On le voit un petit peu comme l'an dernier, finalement. Hein. On avait l'impression d'être en 2024, dominé Piastri, 2, 3 dixièmes. C'était 2 dixièmes en quali sprint, c'était 3 dixièmes en qualif du samedi soir. C'est beaucoup, hein, sur un circuit Interlagos, on est en 2009, c'est bon, vous avez fait le tour. Donc c'est, en fait, on a retrouvé le Norris de l'an dernier, sans les erreurs mentales, parce que ça veut dire que c'est aussi au Brésil, Interlagos l'an dernier, vous faisait n'importe quoi dans le deuxième départ, je crois, et cramait vraiment ses chances de titre. Bah, en fait, voilà, c'est une course de champion, c'est un week-end de champion qu'il a livré, comme à Mexico par ailleurs. Hein. Il filera le titre, c'est clairement pas encore fait. Zandvoort a montré que une casse moteur, c'est vite arrivé, et là, tout est possible, tout est remis en question. Sans sa casse moteur de Zandvoort, d'ailleurs, c'est pas 24 points qu'il aurait, mais c'est 18 de plus. Donc, on est même à se demander, est-ce que McLaren ne devrait pas assurer le coup et prioriser Norris sur Piastri? Bon, ils ne le feront jamais, ils l'ont déjà dit, ils préfèrent perdre le titre pilote. Mais voilà, pour moi, c'est un Norris taille patron au meilleur moment. Et si, bah, si ces deux courses, comme on le dit, là, c'était peut-être les deux courses qui vont lui donner le titre, hein, clairement. Oui, c'est vrai que finalement, la saison de Norris, alors il y a pas mal de gens qui ont une mauvaise image. Je vois Nico qui dit Norris est en train de donner du crédit à son futur titre. Sa saison depuis cet été est excellente. C'est vrai que le début de saison a été plus compliqué. Quelques erreurs, mais pas non plus les catastrophes que certains nous vendent. Hein. Faut pas oublier qu'il y a l'erreur du Canada où il y a un abandon par sa faute. Avant ça, son pire résultat, c'est une quatrième place et une troisième place. Sinon, c'est que premier et deuxième. Donc, c'est pas non plus une mauvaise saison. C'est juste qu'il était beaucoup moins à l'aise en qualif, notamment avec une voiture qu'il n'arrivait pas à amener à la limite de la limite. Et il faisait des erreurs, c'est vrai, qui lui coûtaient un peu cher, notamment à Jeddah où il se crache en Q3. Et depuis cette fameuse évolution de la suspension arrière que lui a pris et que Piastri n'a pas voulu, ou peut-être que depuis Piastri l'a pris, je sais pas, mais en tout cas, il a mis longtemps à la prendre si c'est le cas. On voit un Norris beaucoup plus à l'aise, et puis bah effectivement, depuis moi, je trouve quand même qu'il y a eu alors déjà, on a vu Piastri s'énerver un peu en juillet avec deux trois petites erreurs, il a failli harponner Norris deux fois, etc. Mais je trouve que le tournant pour moi, c'est Bakou, et là je vais en venir à Oscar Piastri où on a un Piastri qui n'est plus du Alors, tout, oui, même si à Bakou, il fait que septième, hein, c'est la dîner. non, mais le tournant pour moi de l'inversion entre les deux, parce qu'en fait, on a un Norris qui a déjà repris un peu confiance avec justement le résultat de l'Italie, même si Bakou ça se passe pas très bien derrière, il fait une série de podiums depuis, hein, depuis Singapour il est sur le podium, et où on a un Piastri qui depuis ces deux crashs de Bakou n'arrive plus à en mettre une, enfin ne met plus un pied devant l'autre en fait. Donc c'est là encore une fois ce week-end il est pas mauvais en qualif, on a un meilleur rythme, il a dit lui-même qu'il était plus à l'aise dans la voiture, donc il part troisième sur la grille du sprint, début de course correct, mais il se met dans le mur en passant sur le vibreur, on reviendra après là-dessus. Et puis la course, bah du coup il prend une pénalité sur un freinage, on y reviendra aussi, qui était un petit peu discutable, mais en tout cas une pénalité de 10 secondes qui gâche sa course, et il était qualifié que quatrième. Donc on a un Piastri qui finalement semble aujourd'hui dans la situation dans laquelle était Norris en début de saison. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire qu'on a presque envie de se réjouir qu'un petit peu un des pilotes McLaren qui se détache de l'autre, parce que on aurait pu craindre une fin de saison un peu biaisée où tout le monde aurait pu comment dire soupçonner McLaren d'être un peu trop intervenu sur leurs fameuses règles. Finalement, le fait d'avoir un pilote qui prendra le pas sur l'autre de manière, on va dire, naturelle. Voilà, parce que là, du coup, je pense qu'on peut tous éviter les complots de favoritisme. Voilà, c'est pas le Nexianauto, c'est pas du tout ce type de média-là où vous nous entendrez parler de ça, ni tolérer ce genre de choses, parce qu'on cautionne pas du tout. Mais voilà, si naturellement un des deux pilotes McLaren arrive à prendre le dessus et à s'imposer comme voilà, bah, le champion du monde, comme dit Nico, hein, dans le chat, je trouve que c'est bien, la bonne formule, c'est donner du crédit à son titre. Et je pense qu'il a peut-être même encore une possibilité d'en rajouter une couche à Las Vegas, parce qu'on sait que Las Vegas c'est un Grand Prix où, alors McLaren ne sera pas forcément favorite là-bas, mais c'est aussi un Grand Prix qui se déroule dans le froid et c'est une piste glissante. Et si Piastri a encore des soucis sur piste glissante là-bas, Norris pourrait encore en remettre une petite couche supplémentaire, qui à mon avis serait bah, voilà, vraiment la finale pour ses chances. Donc on avait dit autant le Brésil était un tournant crucial pour le titre et ça l'a été. Autant, en tout cas pour Verstappen, je pense que là pour le coup on peut vraiment l'exclure quasiment, hein, voilà, je pense, de la course au titre, en tout cas face à Norris. Peut-être pas de la deuxième place du championnat face à Piastri, mais Las Vegas pourrait être le dernier clou dans le cercueil de Piastri pour le titre. Hein. Si on reste ce soit cette tendance-là Oui. de la délicatesse du pilotage de Piastri sur des pistes un peu plus glissantes, à l'adhérence plus précaire, ce qui sera le cas à Las Vegas. Hein. Il ne fera pas 40 degrés à Las Vegas au mois de novembre, hein, soyons clairs. Bah, c'est sûr qu'il y a un monde où. Même si on a avancé de 2 heures le Grand Prix, quand même. Ce sera noté, quand Oui, c'est vrai. Mais il y a un monde, effectivement. Alors, bon, c'est peu probable parce que la McLaren ne devrait pas être très à l'aise, mais il y a un monde où Norris repart avec que Piastri comme candidat, comme adversaire au titre. Et potentiellement plus de 30 points d'avance. Mais on n'est pas encore là. Et pour l'instant, alors moi, je mets pas Verstappen de côté tant qu'il n'est pas de côté réellement par les chiffres, parce qu'on a vu ce week-end Ah. qu'il ne lâche jamais. Maintenant, c'est vrai que oui, le matelas de Piastri, de Norris, est vraiment à l'aise. Et en fait, l'avantage, c'est que là, s'il a un week-end un peu en dedans, notamment à Las Vegas, il n'aura pas besoin d'en faire des caisses pour essayer de rester devant. Il pourra se contenter d'une troisième ou quatrième place, ou une cinquième s'il faut. Et même s'il perd 15 points sur Verstappen, il en aura encore 35 d'avance avec deux courses à disputer et 50 et quelques à donner. Donc il y a un vrai confort pour lui. Ça, c'est Et sûr. puis, et puis surtout, il perd encore 8 points au sprint, hein, avec ce nouveau crash donc, au sprint. Alors bien sûr, hein, c'est quand même la faute à pas de chance. Il passe sur le vibreur, je veux dire, à Norris avec les éclats d'eau. Bon, on peut pas non plus en tirer des conséquences absolument extrêmes, mais il perd 8 points, c'est quand même très très lourd. Même si c'est qu'un sprint, 8 points, ça fait quand même mal. Hein, c'est une victoire d'écart. Hein, si l'un fait premier, si l'un fait deuxième. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est effectivement l'écart avec Norris en qualif. Hein. 3 bons dixièmes, hein, 2 dixièmes puis 3 dixièmes sur un circuit aussi court. L'addition, elle est salée. L'addition, elle est salée. Et puis en course, voilà, il y avait un bruit, mais pas tout à fait un texte ordinaire. Et puis voilà, on va peut-être venir à la pénalité après, mais sûrement beaucoup de monde va penser qu'elle est injustifiée. Mais c'est un peu la conséquence quand on part quatrième. C'est un peu la conséquence quand on part un peu plus loin. Hein, c'est-à-dire, bah, on s'expose à des incidents du premier tour et c'est ce qui s'est passé. Eh ben, oui, on peut passer sur la pénalité. Moi, je trouve que, déjà, en fait, avant de parler justifié ou non, il y a deux choses. La première, c'est que Piastri fait cette erreur, et on voit que c'est le problème, c'est qu'il est plus en confiance, parce que les dépassements cliniques qu'il faisait en début de saison, c'était pas du tout la même chose. Il aurait jamais fait ça en début de saison, il n'aurait jamais pris le risque de se retrouver parce qu'en fait, il le voit quand même 2 fois dans la zone de freinage avant, et il se retrouve à être un petit peu à l'intérieur, avec une roue bloquée, etc. Alors, tout le monde dit oui, il prend le virage, il est machin, mais. Il faut bien se rendre compte que de toute façon il prend le virage parce que ça touche, mais en fait il serait peut-être sorti plus large. Là, la voiture elle est ralentie par la voiture d'Antonelli, donc c'est pas sûr. Et en plus de ça, il est quand même de toute façon, non, alors déjà non seulement il est pour moi responsable parce qu'il n'est pas en contrôle total à l'intérieur, mais surtout les gens découvrent aujourd'hui l'application des guidelines qu'on a depuis 3 ans et sur lesquels je gueule depuis 3 ans. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas voulu en 2021 précisément pénaliser Verstappen pour ses errements et ses fautes quand il sortait des gens de piste, on a décidé, oui alors non, on va donner la possibilité à l'intérieur, si jamais il est devant, c'est son virage. Mais il faut pas que ça aille trop vite, sinon c'est quand même pas exactement ça. Après, quand on passe à l'extérieur, faut pas faire ci, quand on passe à l'intérieur, machin. Donc on a tordu le règlement 4, 5, 6 fois, 8 fois pour dire, voilà, aujourd'hui on a un set de guidelines, il est disponible en ligne, il y a 8 guidelines différentes pour ce cas exact. Alors, les commissaires ont le droit de passer au-delà, sauf qu'ils passent jamais au-delà. Ils gardent toujours les guidelines comme référentiel ultime de décision pour une situation de ce genre. Donc, à partir de là, pourquoi les gens découvrent aujourd'hui que c'est pas bien? Alors que littéralement, ça fait 3 ans qu'on voit Verstappen les essorer jusqu'au bout, à toujours être à la limite et à régulièrement ne pas se faire pénaliser parce qu'il respecte ses guidelines tout en n'étant pas hyper sportif. Moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on dit, ah, mais oui, mais là, pauvre Piastri, machin. Alors, certes, Piastri, il a pas fait l'attentat du siècle. Mais selon les guidelines avec lesquels on bosse depuis 3 ans et avec lesquels on a épargné des pénalités à Verstappen et pour essayer de ne pas le froisser ou je sais pas quoi, eh ben, Piastri est coupable. et ses 10 secondes. Vu que la FIA a dit depuis le début d'année que les 10 secondes, c'était la pénalité de base pendant une course, parce qu'on ne mettait plus 5 secondes. Alors pourquoi Hamilton prend 5 secondes, je ne sais pas. Mais normalement, aujourd'hui, c'est 10 secondes. Et quand il y a une circonstance atténuante, notamment le premier tour, ça peut être 5 secondes. Mais sinon, c'est 10 secondes. Du coup, les 10 secondes, elles sont justifiées. Et alors, moi, je comprends les gens qui la débattent, mais je comprends pas pourquoi ils la débattent aujourd'hui, alors que littéralement, on a eu le cas de figure d'une, de problème dans ce genre-là, et qu'à chaque fois, soit Verstappen a été pénalisé parce qu'il dépassait cette limite, soit il n'a pas été pénalisé tout en faisant un move qui était un peu dégueulasse. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on, on fait ça. Et Guigui demande, Antonelli n'aurait pas mérité une pénalité. Selon le règlement et le code sportif, oui. Selon les guidelines, non. Voilà, tout simplement. Ouais. Maintenant, je vous laisse la parole, puisque le débat est ouvert, et je sais que Franck vas-y, Franck, parce que... Attends, je laisse la parole à Franck d'abord, parce qu'il a, il a fait un non total avant de, par rapport à moi, et comme ça, tu feras l'arbitre. Non, vas-y, Alex, d'abord, je... Moi, je suis pas d'accord avec la... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire je suis pas d'accord avec les guidelines, mais je suis d'accord que les commissaires n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait avec les guidelines. C'est comme ça, c'est la conséquence de ça. Et on peut... Si Piastri est totalement responsable, c'est qu'il est totalement responsable selon les guidelines. Voilà, point final, c'est les guidelines qu'il faut changer. C'est pas la pénalité de Piastri, elle a été attribuée que parce qu'on a cette cause-là qui est les guidelines, il ne faut pas en déplorer les conséquences par ailleurs. Voilà. Les commissaires, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, ils ont eu raison si on tire une application purement légale. Alors, ces guidelines, elles sont légales, elles ne sont peut-être pas légitimes, ça c'est un autre sujet, mais ils ont raison de faire ce qu'ils ont fait. C'est hyper sévère pour Piastri, on est tous d'accord, mais c'est la dure loi des guidelines. Et puis, bon, alors, Claire, on n'en parle pas. Évidemment, la victime collatérale dans cette affaire. Mais bon, encore une fois, ça ne serait pas arrivé si t'es parti en pole. Oui, aussi. Mais ça ne serait pas arrivé si en 2021, on avait pénalisé Verstappen quand il sortait les gens de la piste et qu'on n'avait pas refait un règlement à côté des deux règlements qui existaient. Ouais. Puisqu'il y a un règlement sportif et un code sportif où, effectivement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, ces deux documents-là, officiels de la FIA, n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est malheureusement le cas et du coup, ces guidelines dépassent tout ça. Franck, maintenant, je te laisse la parole. Non, bah je vous contredirai pas sur le fait que ces guidelines sont pour moi pas toujours adaptées. Et je reviendrai juste sur ce cas-là qui est quand même assez particulier parce que dès le départ, enfin moi sur le live, Manu pourra en témoigner, j'étais pas d'accord du tout avec cette pénalité. Parce qu'on n'est pas exactement dans le cadre d'une attaque en course. On était dans le cadre d'un redémarrage sous safety car. Piastri, comme il le dit d'ailleurs, il le répète aujourd'hui, voilà, il y a eu une version à chaud de Stella, André Stella et de Piastri hier, en disant Stella dit d'abord j'attends de revoir les images et tout. Et, bon, Piastri lui démordait pas sur le fait qu'il pouvait pas disparaître de là où il était, mais les deux sont jugent maintenant la pénalité trop sévère et je suis assez d'accord avec eux sur le fait que les guidelines seraient. On aurait pu faire une exception dessus si les commissaires avaient vraiment voulu le faire, parce qu'on était, on n'était pas dans le cadre de l'écriture de ces guidelines pour les cas de, notamment de, bah, des, voilà, des dive bombs bien connus de Max Verstappen, où là, du coup, on juge vraiment, et ce qui a été retenu, c'est vraiment le coup du train avant par rapport au rétroviseur, enfin voilà, par rapport à la position. Là, Piastri le dit, et j'ai bien revu les images, il se porte à la hauteur des deux autres monoplaces avant le freinage. Donc il est déjà à la hauteur des deux monoplaces qu'il dépasse, d'ailleurs de manière extrêmement habile. Hein. Moi je trouve son redémarrage absolument impeccable et, ouais. Et très très très très joli. Hein. Celui d'Antonelli raté en plus. Voilà. Je trouve effectivement que sur ce coup-là, les commissaires auraient dû peut-être s'affranchir de ces guidelines pour ne pas pénaliser Piastri, ou au moins pas autant qu'ils l'ont fait, parce que 10 secondes c'est extrêmement, extrêmement sévère selon moi. Parce que voilà, c'est pas un dive bomb, c'est un freinage qui, certes, il y a une roue bloquée à cet endroit-là, mais c'est pas inhabituel. C'est un virage en dévers. Quand vous attaquez, c'est très souvent que vous voyez la roue avant intérieure ici qui se lève et qui du coup bloque. Et on voit un Piastri, je suis désolé, et ça a été prouvé par quelques simulations derrière, qui maîtrisait totalement sa trajectoire. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'il dit aujourd'hui. Il ne serait pas allé plus au large. C'est peut-être aussi peut-être un peu pour ça que les commissaires ont essayé de prendre un peu de temps peut-être pour juger la chose. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Manu, c'est qu'il n'aurait pas élargi derrière. Il était vraiment sur la trajectoire. Et en plus, on le voit au moment où il touche Antonelli, ils sont déjà bien rentrés dans le virage. Ils sont déjà bien pris le virage en appui sur les pneus extérieurs. Ils sont pas du tout en mode sous virage. En élargissant, ils sont vraiment déjà tous les deux, même tous les trois, inscrits dans le virage, en train de prendre le virage. Donc il n'y aurait pas eu d'élargissement dû à un freinage trop optimiste. Donc cet exemple-là pour les guidelines, pour les freinages, on va dire, trop optimistes, qui poussent les autres adversaires vers l'extérieur. Donc, ce qui est vraiment là pour le coup sanctionnable, c'est le à la Verstappen qu'on a toujours critiqué. Pour moi, ne s'applique pas sur ce cas-là. Donc, je trouve que sur ce cas particulier-là, il n'aurait peut-être pas dû y avoir de sanction parce que c'est un cas un peu nouveau, j'ai envie de dire. Ou on dirait peut-être un cas à l'ancienne où on aurait dû se dire. Bah, si le pilote il attaque pas là, c'est pas un vrai pilote quoi. Il cherche pas à faire. Et je pense que pour le coup, les Gaijin sur ce coup-là en particulier ne sont pas adaptés. C'est pour ça que je juge la pénalité très sévère, qu'André Astella le juge très sévère, que beaucoup de gens effectivement le jugent trop sévère. Maintenant, si on veut vraiment s'en tenir stricto sensu aux Gaijin qui existent, oui, il faut pénaliser. Peut-être pas 10 secondes, 5 secondes, parce que ça reste quand même extrêmement propre. Ça reste pas du pousse-toi de là que je me pousse, pousse-toi de là que je me mette, quoi. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Mais Donc, je suis plutôt dans la défense de Piastri et de Stella sur leur position. Je comprends que par rapport aux règles qui ont été décidées, en tout cas par aux guidelines, il a fallu pénaliser. Mais selon moi, c'est un cas un peu particulier qui aurait mérité une autre attention et plus de clémence. Voilà. pour moi, c'est déjà un cas qu'on a eu à Monza. On pénalise Berman qui touche Sainz parce que Sainz est devant. Et c'est exactement le même cas de figure, selon moi. C'est-à-dire parce que les guidelines sont comme ça. Et alors, oui, mais là, tout le monde avait déjà critiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas dû y avoir. Mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que les guidelines ont aussi été appliquées à la lettre à ce moment-là. Et du coup, il n'y a rien qui dit qu'aujourd'hui, on devrait les appliquer autrement, puisque il n'y a jamais, pour moi, en fait, le problème, c'est que. Alors, en même temps, d'un côté, c'est bien, parce que si on commence à interpréter les guidelines, c'est bah non, là, ce coup-ci, il faut prendre le code sportif, ou non, là, ce coup-ci, il faut prendre le règlement, non. Le problème de tout ça, c'est qu'un jour, il faudrait que quelqu'un ait les couilles de dire, maintenant, on stoppe, on arrête avec ces guidelines, on les déchire, et on reprend les documents de base, qui étaient un règlement et un code sportif. Le code sportif, il est simple, c'est les règles de bonne conduite, donc on laisse la place aux autres, on ne tape pas les voitures devant nous, on ne conduit pas de manière erratique. En gros, c'est l'idée du code sportif. Et le règlement de la F1, c'est tout ce qui était avant, c'est-à-dire si jamais on est en bataille avec une autre voiture, on lui laisse la place même en sortie de virage, ou on ne dive-bombe pas, et ce genre de choses. Mais sauf que le problème, c'est qu'en 2021, ils ont tellement voulu laisser tout faire, parce que vous comprenez, il y a du spectacle, il y a de l'argent et tout ça, donc c'est cool, on laisse tout faire, on va dire, allez, c'est bon, c'est pas grave, les gens sont contents, il y a du divertissement. Sauf que Verstappen a fait n'importe quoi, parce que malheureusement, on en revient à lui, les gens vont dire, je le critique gratuitement, mais c'est lui le problème de ces guidelines-là, parce que elles ont été conçues pour lui, ou par lui, ou à cause de lui, je sais pas. Et en fait, aujourd'hui, on a ce règlement qui se substitue à tout le reste et qui est suivi par la FIA de manière constante. Et je suis d'accord avec vous, c'est absurde. Pour moi, hier, c'est un incident de course parce que Antonelli ferme assez tard et il y a quand même une bonne différence entre les voitures. À Monza, Berman n'a pas été pénalisé, mais aujourd'hui, malheureusement, le règlement est celui-là. Alors après, on peut effectivement débattre de est-ce que c'est le bon règlement. Et moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il a chié ce règlement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et en fait, je trouve dommage que les gens aujourd'hui disent ah ouais, faudrait pas pénaliser Piastri et tout ça, alors que littéralement, alors oui, c'est vrai qu'à Monza, effectivement, on avait déjà été un peu tous offusqués par le fait que ce soit Berman qui soit pénalisé. Mais effectivement, en constance par rapport à ça, je trouve que c'était pas normal de pénaliser. Non. Mais pour surtout une fois, qu'effectivement, Antonelli aurait pu laisser plus de place. Oui. Ça, par contre, vrai. je réponds juste à Nico dans le chat. Je vois pas pourquoi le Piastri n'aurait pas dû entamer sa manœuvre, tout simplement parce qu'il était trois. Je suis désolé. Ouais. Piastri, il a à faire ce qu'il a à faire, et c'est tout. Après, il va pas deviner où va se placer Leclerc derrière. Est-ce qu'il va relâcher? Est-ce qu'il va tirer tout droit? Voilà. Piastri. Oh non, ils sont trois. Oh là là, je vais pas y aller. Non, surtout que ça surtout qu'il y a absolument pas en ligne de compte. Il y a de quoi placer quasiment. J'ai vu une photo de haut. Il y a de quoi placer quasiment une voiture entre Antonelli et Leclerc. En fait, c'est ça qui est encore plus tragique pour Leclerc, c'est que lui, il laisse une place, mais alors il met un boulevard parce que vraiment, il y a quasiment l'équivalent de passer à quatre de front. Et ah oui, Leclerc dit en plus qu'il faut Antonelli aurait pu laisser plus de place. Et clairement, c'est le ouais, cas. Ouais, parce que Leclerc lui fait l'effort, et ça, c'est vrai. Mais Antonelli, voilà, il dit c'est mon virage, il passe devant. Malheureusement, c'est le cas. Et alors, Zohan se dit Piastri aurait dû dive bomb, avoir sa roue devant et être prioritaire. Mais rappelle-toi que maintenant, ça marche plus comme ça, parce que justement, Verstappen a déjà fait, déjà essoré aussi cette guideline-là. Et aujourd'hui, on voit qu'un pilote qui. Parce que si jamais il dive bomb et qu'il a sa roue devant, il prend pas le virage. Et un pilote qui ne prend pas le virage, qui coupe à cause de ça, est pénalisé, doit laisser la place. Donc ça ne serait pas arrivé. Mais parce que malheureusement, tous ces faits-là ont déjà été, encore une fois, inaugurés par Max Verstappen. Donc c'est un peu le souci. Et Norris, encore une fois, n'a pas eu de souci. Très bon départ. Très bon départ de Norris. Il garde la pole, comme au Mexique. Il profite du chaos derrière lui, en plus, pour à la fois au départ arrêté, à la fois au départ relancé. Il lance très bien. C'est vrai qu'Antonelli rate sa relance et du coup, Leclerc et Piastri peuvent l'attaquer. Ouais, il jette des bananes derrière lui en plus. Non mais c'est vrai, voilà. Mais bon, après effectivement, alors oui, après on va aussi revenir sur l'accident du sprint, puisque des gens ont dit, j'ai entendu des gens dire Norris a fait exprès de passer sur le vibreur pour mettre de l'eau sur la piste. Alors déjà non, parce que c'est un gros risque de passer sur le vibreur à ce moment-là. Bah non. C'est très Et il a dangereux. failli finir dans le mur, hein. Il a failli finir dans le mur lui aussi. Et en plus de ça, les trois qui sortent accélèrent sur le vibreur au même endroit du vibreur. Donc en fait, c'est. Anthony le voit quand même, il le signale. Oui, Anthony le voit, le signale, mais lui, il passe pas sur le vibreur, il n'a pas de tête à queue, il a même pas de perte de contrôle, ou quasiment, il y a un petit. Peut-être ralenti, voilà, peut-être ralenti ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Et en fait, non, Piastri réaccélère sur le vibreur. Alors, c'est vrai que ça a été un peu étonnant parce qu'on a eu trois pilotes qui sont sortis au même endroit. Hein. Ça a été un peu comme en 2003 pour ceux où j'ai mis le truc sur Blue Sky. Mais on a eu trois pilotes en vrac dans ce virage-là. Mais effectivement, c'était juste que trois ont réaccéléré sur un vibreur qui, malheureusement, stockait de l'eau. Et là, du coup, ça a été corrigé le lendemain. Ils ont fait un travail sur le vibreur. Encore une fois, je vais me répéter, mais voilà, c'est Norris qui partait en pole sprint et c'est lui qui est passé en premier sur le vibreur. Enfin, ça a vraiment des conséquences incalculables. Oui, de la même manière que, par exemple, on avait dit en Autriche que quand Verstappen s'est fait accrocher, c'est parce qu'il partait d'un peu plus loin. Et malheureusement, on sait très bien, à partir dans le peloton, c'est toujours le risque de perdre du temps et des places au départ. Donc, ça, c'est sûr. C'est pour ça que Verstappen est parti des stands, au moins, il n'est pas parti du peloton. Mais en vrai, quand tu pars comme ça, entre la 15e et la 20e place, c'est une voiture de pointe, je pense qu'il vaut mieux partir des stands. Au moins, tu laisses le chaos se faire s'il y a besoin. Et puis, parce que finalement, c'est un coup à être vraiment pris dans quelque chose de n'importe quoi. Enfin, surtout sur des virages comme celui-là, on sait, le Brésil, c'est souvent... Brésil et Mexique, on sait souvent que... Et Austin, hein, les trois qui viennent de passer, là, c'est les trois où le départ, c'est sérieux. Austin, de toute façon, le premier virage est toujours redessiné. Il y a 14 trajectoires. Mexique, le premier virage, c'est dans l'herbe, le premier virage. Oui, Mexique, c'est ça. Et Austin, c'est au large. Mexique, la chicane, elle n'existe pas vraiment, mais... L'imaginaire là. Non, bah après on peut pas jeter la pierre à Norris pour avoir roulé sur le vibreur et avoir mis de l'eau derrière. Donc bah ça, c'est un incident qui lui est favorable, voilà. Bon après c'est mais encore une fois pour moi il y a même pas de lien entre les sorties derrière lui et ça. Non, hein. ça fait penser à Mario Kart, c'est vrai, c'est marrant. C'est très marrant, voilà. C'est pas marrant pour Piastri forcément, à 8 points ça fait mal, hein. C'est un peu la différence entre la première et la deuxième place. Puis voilà, ouais, c'est vrai qu'on nous a posé la question parce qu'il n'y a pas eu d'enquête derrière. C'est vrai que pour les autres pilotes sont sortis derrière alors qu'il y avait un drapeau jaune quand même, effectivement. Ils ont été censés ralentir un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça particulièrement. Ouais, Hülkenberg qui arrivait pas trop loin derrière, c'était un peu trop pour réagir, mais c'est vrai que Colapinto Pinto quand même il se met bien. Donc, Je suis pas sûr que le drapeau jaune ait été agité beaucoup avant ça. Et une fois qu'ils arrivent sur le vibreur, c'est vrai qu'ils ont réaccéléré, mais après, même si c'était un peu plus lent, tu peux vite partir en tête à queue. Au final, Colapinto tape fort le mur, mais Hülkenberg il sort pas à très haute vitesse. Hein. Je trouve par rapport à. Enfin, en tout cas, le drainage a quand même été revu pour le dimanche, parce qu'il y avait quand même des risques de pluie encore pour le dimanche. Et ils ont quand même revu le drainage de ces vibreurs pour le dimanche au cas où. Voilà, on avait vu des petits plans rapprochés de l'eau qui stagnait entre les crêtes des vibreurs. Donc voilà, même si Interlagos est quand même bien mieux drainé que par le passé, on l'a d'ailleurs beaucoup vu, hein, c'est strié sur l'asphalte. D'ailleurs, des streaks qui sont un petit peu une des raisons pour lesquelles Piastri a peut-être un peu plus souffert que Norris, parce qu'il provoquait un peu plus d'adhérence un peu plus précaire. Ça a été un peu expliqué par Stella, on sortira l'article peut-être demain ou après-demain, on verra quand est-ce qu'on sort ça, mais ces streaks-là n'ont pas aidé non plus sur l'adhérence, notamment, et sur l'usure des pneus aussi, évidemment. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser plus que ça sur McLaren. Hein. Non. Juste pour répondre à Guigui qui dit est-ce que McLaren va comment dire avantager Norris, non, ça c'est pas prévu, non. Ça n'arrivera pas, peut-être même pas besoin du coup, non, oui, exactement, il n'y a pas besoin, ils ont encore moins besoin d'ingérence, enfin d'intervention maintenant, parce qu'au final il n'y a pas de raison, quoi, je veux dire, c'est tout se déroule, les choses se mettent dans l'ordre, donc là il n'y a pas trop de raison de faire Et peut-être que Zach Brown va vraiment gagner un titre pilote en n'ayant priorisé aucun pilote et dans une ambiance qui reste quand même un peu tendue, mais clairement pas aussi dégueulasse que qu'entre Hamilton et Rosberg ou entre Hamilton et Alonso. Donc rappelez-vous qu'en 2022, Red Bull arrive à déclencher un conflit entre Verstappen et Perez pour une sixième place au Brésil, alors qu'il y a 150 points d'écart au championnat entre les deux. Donc on s'est beaucoup moqué de McLaren, mais en attendant, je trouve que c'est eux qui gèrent le mieux pour le moment. Oui. Il pourrait y avoir une priorisation de Norris par rapport à Piastri si Piastri se prend 25-0 de la part de Verstappen au prochain Grand Prix. C'est-à-dire que si Verstappen remonte au niveau de Piastri au championnat, là, s'il y a 30 points d'écart entre les deux, c'est sûr que là, ça peut. C'est clair que là, pour le coup, il n'y aura pas vraiment photo sur comment doit se passer les deux dernières courses. Clairement. Voilà pour. tout cas, la McLaren n'avait pas cet avantage-là qu'elle avait eu à Mexico, Oui. mais elle a quand même, mais Norris a quand même réussi à gagner avec 10 secondes. Alors c'est pas rien, mais c'est Elle quand n'avait même même pas d'avantage du limite. tout hein, quand on parlera de Red Bull. Ouais. Ouais. Bah si quand même, ça dépend si tu prends toute la session, tout le week-end, si quand même. Mais voilà, c'est ça vraiment là, pour moi la course de champion, c'est gagner, même quand et tout gagner, même quand on n'a pas forcément tout le temps la meilleure voiture. Ça, c'était le cas. Et Exactement. je pense qu'à Las Vegas, McLaren risque de souffrir C'est encore vrai. plus. Tout le Mais on monde sait verra. que c'est Ferrari qui avait la meilleure voiture, mais ils ne le savent toujours pas. Ils n'ont pas eu le temps de le savoir. C'est sûr. Non, mais là, c'est clair que là, y a plus besoin pour McLaren d'intervenir, sauf catastrophe. Mais là, ils sont dans un scénario où finalement, ça se tourne pas contre eux, donc tant mieux pour eux. On va passer à Mercedes. Alors, très bon week-end globalement de Mercedes, mais surtout d'Andrea Kimi Antonelli qui fait deuxième de la qualif sprint, deuxième du sprint, deuxième de la qualif et deuxième de la course. Un très très bon Antonelli, bah son meilleur week-end en carrière, hein, je pense qu'on peut. Meilleur résultat, mais aussi meilleur week-end. Pour moi, il n'y a pas de point faible dans son week-end. À part un freinage un peu serré à la relance, effectivement, mais bon, pas de. C'est d'autant plus impressionnant que d'abord Russell Ancel est très fort au Brésil et en plus Antonelli, bah, il n'avait jamais couru là-bas, hein. Il n'avait jamais couru à Interlagos. Il découvrait cette piste qui est quand même très particulière, peu de brique, un peu d'altitude, séance anti-horaire, une seule séance d'essai libre et pourtant un petit peu comme les autres rookies, hein, mais c'est lui en particulier qui a brillé. Alors, est-ce que c'est Russell qui était en dedans? Voilà, en tout cas, c'est vraiment le meilleur week-end de l'année, au bon moment pour Anthony. Je pense qu'en fait, dès qu'on n'est plus hors d'Europe, il est performant. Je ne sais pas comment l'attribuer. C'était sur les terres de son idole Senna aussi. Donc, très, très clairement, assez surprenant de voir Cédric Russell finalement autant à la peine. Ouais. Alors, à peine, faut pas non plus exagérer. Il prend un dixième ou un dixième et demi en qualif sprint. Il fait Mais 3 et c'est 4 en surtout, plus. ouais, après il prend 2 dixièmes et demi en Q3, donc c'est pas non plus infamant, mais voilà, avec Antonelli, et puis surtout, Il est testé médium en plus en Q3 à Russell, donc avec, c'est ouais, c'est ça, il était pas, et puis surtout une grande sérénité, une résilience mentale, parce qu'avoir Verstappen dans vos rétros pendant plusieurs tours à la fin, alors que vos gommes sont usées, voilà, hein, faut quand même avoir la capacité à ne faire aucune erreur, et Antonelli a très bien fait. Voilà, donc je suis vraiment chapeau à lui. C'était un tournant peut-être pour Norris cette course, mais peut-être aussi un tournant dans la carrière d'Antonelli qui était encore un petit peu trop haché jusqu'ici. Oui, et c'est vrai qu'il a très bien géré sa course parce qu'en plus il avait gardé un peu de jus dans les pneus pour remettre du rythme en fin de course quand Verstappen arrivait et ça a clairement fait la différence, notamment sur le fait qu'il avait encore de la motricité pour ce fameux dernier virage qui lui permettait d'avoir toujours en fait dans le dernier secteur 5-6 dixièmes d'avance et de pas se faire avoir au DRS par Verstappen. On y reviendra, qui avait quand même une vitesse de pointe largement supérieure. Alors je vois dans le chat Nico qui dit Russell avait l'air bien dégoûté de se faire dominer ce week-end et Lambo Diablo dit il n'a pas fini de râler à la radio. Moi je pense que c'est pas du tout une. Enfin là, à mon avis, c'était plus une exception qu'autre chose. Russell n'était pas à l'aise. Je pense que ça veut pas dire que maintenant Antonelli sera tout le temps à ce niveau-là par rapport à Russell, à mon avis. Faut pas. Là, Russell n'a jamais trouvé le soft spot de la voiture du week-end. Donc je pense que. De toute façon, ils sont amenés à se resserrer en termes d'écart, hein, forcément, parce que Antonelli va énormément progresser. Mais je pense que Russell reste le patron chez Mercedes sans trop de soucis. Oui, surtout qu'Interlagos, c'est un circuit où on peut attaquer, on sait qu'il y a la dégradation, donc on est peut-être un peu moins sur le paramètre gestion des pneumatiques, parce qu'on sait voilà, qu'on va certainement faire deux arrêts, même s'il y a eu un arrêt qui ont réussi aussi dimanche. Mais comme c'est un circuit où en fait, on est un peu moins sur le paramètre expérience gestion des pneumatiques, et un peu plus sur le côté attaque, avec des virages, vraiment, on peut plonger, on peut freiner, on peut vraiment se faire plaisir à Interlagos. Hein. Je sais pas s'il y en a qui jouent vraiment à des jeux vidéo, mais sur ce circuit, c'est toujours vraiment un bonheur. Mais on sent déjà rien qu'en jeu vidéo par rapport à un autre circuit, sur comment on peut attaquer ce genre de virage et tout. C'est vraiment un circuit où on se fait plaisir. Et pour quelqu'un qui a pas autant d'expérience, clairement, hein, Antonelli, que par rapport à Russell, je pense que c'est peut-être aussi un des paramètres, hein, qui ont fait qu'il s'est senti à l'aise malgré sa découverte du circuit. C'est vraiment un circuit de pilotage à l'ancienne, hein, voilà, où on peut vraiment se faire plaisir. Et voilà, comme je pense que l'aspect gestion pneumatique était un peu moins important, une différence entre un réglage qualif et un réglage course est quand même un peu moins importante aussi. Je pense que voilà, il a aussi su tirer son épingle du jeu à ce moment-là, et tant mieux, parce que bon, j'ai pas plus à rajouter non plus sur son week-end par rapport à ce que vous avez dit sur lui ou Russell, hein, et on fait un magnifique week-end, son meilleur de la saison jusqu'à présent. Il en reste encore trois, donc maintenant il faut confirmer. Hein. Voilà, il y a d'autres circuits où on peut vraiment faire ce genre de choses, notamment au Qatar. J'aimerais bien le voir aussi au Qatar. Je pense que le Qatar, c'est aussi un peu ce genre de circuit où on peut vraiment aller à l'attaque et faire des trucs très sympas aussi. Avec du grip en plus, aussi. En plus, Pirelli limite les relais pour ce Grand Prix-là pour des raisons de structure de pneumatique. Ça veut dire qu'ils vont tous être aussi à fond comme il y a 2 ans. Et ça veut dire voilà, qu'on verra aussi voilà, les pilotes moins avantagés dans l'expérience de la gestion des pneus se remettre un peu plus au niveau de leur équipier qui sont plus forts dans ce domaine-là. Donc ça peut jouer aussi pareil sur les qualités de vitesse de pointe d'Antonelli par rapport à Russell. Donc si je ciblerais bien un Grand Prix pour qu'il confirme, entre guillemets, ce serait bien celui-là. Effectivement. Alors, petite parenthèse, sur Brett Indicate dit, zut, le pull d'Alex ne change pas de couleur après le débrief de chaque écurie. C'est vrai que c'est dommage, t'as commencé la bonne couleur, mais c'est pas encore les pulls de Noël. Hein. Pulls de C'est Noël ça. Avec des LED. Alka nous dit Kimi performe bien que sur les circuits où il n'a pas piloté un F2. Je pense que c'était surtout une question de mental. À un moment donné, il a été vraiment dans une sale spirale cet été, et je pense qu'il allait sortir avec un bon un ou deux bons résultats. On a également une question de Mollusque qui demande, attends, excusez-moi, j'ai un souci de chat, qui demande si en gros les différences de style de pilotage peuvent expliquer les différences régulières de performance entre Antonelli et Russell. Moi, je dirais que malgré tout, Russell est quasiment tout le temps devant, donc je pense que c'est plus une question de manière de s'adapter tout ça que de réellement style de pilotage. Je pense que le jour où Antonelli aura la maîtrise de son style sur tous les types de voitures, de réglages de voitures et de circuits, ce sera pas un truc très différent, je pense. Bon, après, je sais pas ce qu'en pensent mes comparses, mais. Non, je suis d'accord. Pareil. Après, le style, forcément, il rentre de plus en plus en compte, hein, puisque vous avez des voitures qui sont dans un peloton extrêmement serré, vous avez des pilotes aujourd'hui qui sont vraiment les 19,5 meilleurs du plateau. Je laisserai deviner qui est le demi qu'on pourrait faire sauter. Et voilà. Et donc forcément, maintenant, c'est tous les petits détails qu'on compte. Donc évidemment, le style par rapport à son équipier, par rapport à un circuit particulier, effectivement, oui, ça peut rentrer en ligne de compte. Maintenant, comme vous le voyez, hein, faites un clignement d'œil, vous êtes là au dixième de seconde, hein, et c'est pas plus que ça. Hein, et les mecs font 4,5 km, 5 km, 5,5 km. La différence, c'est un battement de cils. Hein. Ouais, on se rend pas Voilà. compte que ceux qu'on dit mauvais sont en fait. Où il y a un ou deux battements de cils, quoi. Ah ouais. Voilà. Je pense qu'on serait tous contents d'avoir le niveau de pilotage d'un Stroll, hein, honnêtement. Pourquoi tu dis. Oh, je suis pas. Bon, ok, d'accord. Non, mais c'est un nom. Non, ça n'a aucun lien avec ton ennemi. Hein. J'ai dit un nom au hasard. Même d'un demi-stroll. Un demi-stroll, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on est en perte de vitesse en audition sur le Québec en ce moment. On tape un peu non, en plus, on l'a beaucoup défendu, Stroll, depuis qu'on fait l'émission. Quand on doit le défendre, on le fait. Quand on ne peut pas le défendre, on ne le fait pas. Hein, voilà. Exactement. Toujours très, très objectif. Exactement. Et oui, donc du coup, effectivement, Robin nous dit, et c'est le dernier point que j'allais aborder avec Mercedes, très bonne opération au championnat constructeur. Il profite du fait que Red Bull n'ait eu qu'une voiture ce week-end à peu de choses près et qu'elle n'ait pas été tout le temps au top, et que Ferrari, je te prépare Franck pour ce qui arrive après, n'a pas fait un bon dimanche, pour finalement avoir 32 points d'avance sur Red Bull. Les pilotes parlent trop apparemment. Donc... Ah oui, bah, ça, ah, non, ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ça, bah, de toute façon, on entend que... Je tease. On entend que, donc... On entend que Leclerc. On comptait pas parler de ça ce soir, mais bon, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Alors, et il l'a ouvert, ça. Donc on va l'ouvrir aussi. C'est ça. Effectivement, 32 points d'avance sur Red Bull et 36 sur Ferrari. Alors, c'est pas encore fait. Ouais. Il reste 22 points distribués, je crois, au niveau équipe. Ouais, mais là où ça fait peur, c'est quand tu vois qu'une équipe comme Red Bull, avec un seul pilote quasiment, fait autant que Ferrari. Ah bah oui. Et Mercedes quasiment aussi, hein, ils sont pas très loin non plus, hein, objectivement, sur une saison. Donc, si Red Bull avait eu le courage de mettre deux pilotes de pointe dans les voitures, je pense qu'ils n'en seraient pas là, hein, ça c'est sûr. On y reviendra aussi plus tard, mais. Voilà, en tout cas, effectivement, Mercedes, je pense qu'on a vu un Toto Wolff un peu soulagé hier. De la manière dont les choses tournent, après c'est qu'une deuxième place, hein. Je pense pas non plus que ce soit la folie, mais c'est vrai que bon, ça fait quand même quelques millions en plus, faut pas oublier. Et puis il y a un peu un côté prestige à se dire, voilà, on a quand même sauvé les meubles, ce qu'a fait un peu Ferrari l'an dernier. C'est vrai que pour des équipes, c'est compliqué de se retrouver quatrième force du plateau sur une saison comme celle-là, je pense. Pour le prestige, c'est pas cool. Par contre, pour ceux qui vont entre deuxième et quatrième, ça fait quand même 10% de taux de développement aéro en plus pour l'année, ouais. Pour les 6 prochains mois d'année prochaine. Quand vous développez des toutes nouvelles F1, c'est pas négligeable. Hein. Ça, c'est Une sûr. bonne opération, finalement, c'est une bonne opération de Ferrari. Tout à fait, ils ont très bien calculé leur coût. Tout était calculé. Exactement. Dommage que Williams sont un peu trop loin. Ils ont fait trop de zèle en début d'année, Ferrari. Voilà, donc on va passer à Red Bull en l'occurrence, puisqu'on avait commencé à aborder un peu le nombre de points marqués par Red Bull. Effectivement, Verstappen termine 3e après être parti des stands. Tsunoda termine 17e après une course. Il s'est compliqué la vie, mais on lui a pas facilité non plus. On y reviendra. Non, c'est clair. Mais alors, chez Red Bull. Le week-end de Max Verstappen, c'est un week-end c'est comme s'il avait vécu 3 ou 4 Grands Prix en un, je pense, puisque il a eu un vendredi compliqué. Il s'est dit, je vais repartir de zéro parce que. Hein? Non, vas-y. Parce que ça allait pas trop. Donc c'est vrai qu'il se qualifie pour le sprint. Je sais même plus où il était qualifié. Mais en tout cas, la voiture était pas très bien. Le sprint se passe globalement. Il était pas, c'était pas le meilleur niveau possible. La voiture avait pas trop de grip et tout ça. Il est parti sixième au sprint, hein, derrière Alonso. Hein, c'est ça. Donc c'était pas top. Et puis la voiture manquait vraiment de grip. On voyait qu'il se battait avec. Il décide de changer complètement le setup pour la qualif. Finalement, ça va pas du tout. Ils sont éliminés en Q1. Alors là, c'est pareil, des statistiques complètement folles. Première fois qu'il est éliminé en Q1 depuis 2021, et c'est techniquement la première fois qu'il est éliminé au chrono en Q1 de sa carrière. Puisqu'en fait, à chaque fois, soit il y avait un accident, soit il y avait un problème de pas participer à la séance, mais de toute façon. Impressionnant. Ouais. C'est sa première élimination au chrono en Q1 de sa carrière. Donc, qui ont commencé il y a 230 Grands Prix. Donc je vous laisse un peu imaginer le truc, même chez Toro Rosso à l'époque. C'est comme le premier podium de Hülkenberg finalement, mais sur un inversé. C'est la première double élimination de Red Bull en Q1, puisque Tsunoda n'a pas passé la Q1 non plus. C'est la première double élimination en Q1 de Red Bull depuis 2006, depuis le Japon 2006, où il y avait David Coulthard et Robert Doornbos. Donc c'est déjà vraiment... des Q1 à l'époque. Ouais, c'est la première année du format. C'était la RB2. Ouais. Ça me rajeunit pas et tout ça. Pour info, Antonelli était âgé de 44 jours lors de ce jeu Grand Prix du Japon 2006. Il s'était qualifié à quelle position? Et Lewis Hamilton n'était pas en Formule 1. Pas en F1. Mais Alonso, oui, parce que quand même. Ouais, Alonso, il est déjà double champion du monde, lui. Oui, c'est aussi la folie. La folie. La stade de fou. Il avait autant de titres qu'aujourd'hui. Ça, c'est méchant comme ça. Oui, ça dit comme ça, c'est pas sympa. Il avait déjà deux titres, donc ouais, la Formule 1 est folle. Ah ouais, à l'époque, Flavio Briatore était directeur d'équipe. Oh, oui, non, gêne. Donc, c'était assez fou, et c'est vrai que... Et en fait, Verstappen, il a vécu son pire week-end et son meilleur week-end en même temps, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, effectivement, la fin de ça, c'est qu'il a décidé de partir des stands et de tout changer. Alors, on a changé le moteur complet sur la voiture numéro 1, c'est-à-dire qu'on a changé le moteur à combustion interne, le turbo, MGUH, MGUK, batterie, unité de contrôle électronique, échappement, tout était neuf. Et effectivement, ils ont repris un réglage différent, ils ont enlevé le plancher qui était sur la voiture, ils ont mis l'autre plancher, parce qu'ils avaient au départ... Celui du Mexique, ils ont... Ils ont remis celui du Mexique. Et le miracle s'est accompli, il était le plus rapide en course. Donc là, tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'il a... une course stratosphérique. Alors la voiture était très bonne, le moteur était neuf, il a une crevaison en début de course qui finalement lui permet de ne pas utiliser les pneus durs, donc ça c'était plutôt une bonne chose pour lui. Il change de pneu derrière la VSC, ça lui fait gagner 10 secondes. Voilà, c'est ça, il perd que 3 places en fait au final, mais derrière quand même il faut faire la course qu'il a fait. Course folle. Sur le papier, il finit deuxième quasiment psychologiquement, parce que bon, certes, il n'arrive pas à passer Antonelli, mais au rythme pur. Ouais, puis même troisième en fait, remonter sur le podium depuis la 20e place. Ouais, à un moment donné où j'ai vu, tiens, il va pas changer de pneu parce qu'il était plus rapide. Ah oui, moi aussi je l'ai vu. Hein, j'ai cru aussi. Moi je l'ai vu vainqueur. Je vous avoue que si celui-là il avait gagné, je pense que. J'aurais... Ce serait parti en dépression. Ah, j'aurais du mal à l'encaisser celle-là. Non, mais après, encore une fois, le boulot qu'il a fait est phénoménal, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. En plus, un pilotage complètement parfait, parce qu'il était propre, c'est-à-dire qu'il y avait de l'enjeu, il a été à la hauteur de l'enjeu. Pas une attaque brouillon, rien, tout était nickel, il a passé la voiture. Sur un circuit comme le Brésil, où c'est assez facile de dépasser quand tu as l'avantage DRS et un poil d'avantage pneumatique. Oui. Alors si là tu te fais vraiment du brouillon sur ce genre de circuit, c'est vraiment d'être un peu bête. Tu veux dire comme Verstappen en 2022? Voilà. Ou comme Verstappen en 2021? Oui, non, t'avais dit du bien de... J'équilibre le karma. Non, franchement, Verstappen est clairement l'homme du jour. Hein. Hier, il n'y a rien à dire en termes de. Mais pas l'homme du week-end. Voilà. Non, voilà, pas l'homme du week-end, mais bon, grosse prise de risque en même temps chez Red Bull. Bah, bon, il n'y avait pas trop de choix non plus. Hein, non. De toute façon, c'était. Comme il l'a dit souvent hein, pendant le week-end, je n'ai rien à perdre. Hein. Ah bah non. Moi, j'ai adoré le moment où il passe la ligne premier et Lambiasé lui dit Tu lis dans la course, c'est not bad. Ouais. et comme il l'a dit, moi, il a dit, je n'ai rien à perdre. Et c'est là qu'on a tous cru, peut-être toi aussi, Alex, qu'il n'allait pas changer de pneu. Ah ouais, moi je pensais qu'il allait gagner. Hein. Je voyais aussi tenter le. Mais bon, non. Mais quand on voit le rythme de Lawson à la fin, je pense que ça aurait été short pour gagner parce que Norris serait revenu. Mais il aurait fait deuxième peut-être. Et après. Le pneu avait tenu, ce qui n'est pas évident non plus. Et puis les crevaisons lentes, ça pouvait arriver aussi. Donc je pense que c'était pas un mauvais plan. Troisième, en partant de descente, franchement, c'était déjà un miracle. Donc. Fallait pas trop en faire. Après, c'est vrai que la vitesse. Sur le de pointe, sec en plus. L'an dernier, il a fait une remontée, c'était sur le mouillé. Hein. Ouais, et l'an dernier, c'est clairement. Il fait la même chose que les pilotes alpines. Il reste en intermédiaire avant le drapeau rouge et ça leur a économisé un arrêt. Donc, très bien vu, mais c'était circonstanciel. Là, c'est pas des circonstances. Du tout. Après, le moteur neuf a aidé, comme Hamilton en 2021, hein, qui fait à peu près le même genre de remontée sur le week-end, on va dire. Mais. Au final, on se retrouve avec des vitesses de pointe qui étaient 10 à 20 km/h plus vite que ses adversaires, donc forcément ça aide, mais il fallait quand même rouler. Petite polémique quand même sur ce moteur neuf, Manu. Alors, il faut dire que McLaren ils ont un petit peu levé. Petite interrogation effectivement d'Andrea Stella, parce qu'Andrea Stella ne polémique pas, Andrea Stella interroge. Ce n'est pas Christian Horner, il est un peu plus. Il est juste curieux quoi. Curieux. Et lui il se dit, mais. Ce moteur neuf, puisqu'apparemment, et en plus Red Bull a dit, le moteur neuf, on a eu une opportunité d'avoir un moteur plus performant, donc a priori il n'y avait pas de problème. Vraiment un moteur tout neuf pour le coup. Hein, voilà, oui, vraiment... huit éléments changés, et pas à cause d'un problème de fiabilité. Et Andrea Stella dit, mais du coup ce moteur, il compte dans le budget. Donc là en fait, il va demander à la FIA, McLaren a demandé à la FIA, savoir si le moteur, un cas comme ça, compte dans le budget ou pas. Parce qu'effectivement, si c'est juste du confort, entre guillemets, ils pensent que ça va compter. Alors j'imagine que Red Bull, de toute façon, a prévu le coup et que ce sera pas, ils vont pas dépasser le truc. Mais par contre, je pense que si jamais une McLaren rate ses qualifs, à mon avis, à Vegas, c'est pas impossible qu'on lui mette un moteur neuf et que les 2 km sur le strip, ça aille assez vite. Donc voilà. Mais effectivement, je pense que ça rentre dans le budget de cap. Reste à savoir où les équipes en sont, en tout cas, mais. Mais voilà, c'est effectivement c'est une question. Alors, c'est pas un débat, parce qu'à mon avis, il n'y a ni polémique ni quoi, mais c'est super intéressant de savoir ce que le règlement dit, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions et de choses qui se rajoutent. Et, c'est un enfer. Ah, bah oui. C'est un enfer, ces règlements. On va enlever un moteur à Tsunoda, hein. Ils vont le vendre. Bah déjà, il faudrait peut-être que quelqu'un leur achète un chrono aussi pour compter 10 secondes dans les derniers. Alors oui, on va passer à ce pauvre Yuki Tsunoda. Juste pour Verstappen, on peut dire que c'est paradoxalement. Un de ses meilleurs dimanches de l'année, ça aurait peut-être été son dimanche où il a dû adieu au titre. C'est ça tout le paradoxe. Oui, c'est ça. De cette course, passer avec 49 points de retard, c'est quasiment plié. Alors ça ne veut pas dire totalement plié, mais on s'y rapproche. Plus ses 3 points perdus lors du sprint. Ça commence à être compliqué effectivement pour lui. Il aurait perdu avec panache en tout cas. Mais bon, comme il l'a dit aussi, s'il l'aurait perdu, s'il fait le perdre, il pense qu'il va le perdre de toute façon. C'est pas que là, c'est sur tout le début de saison. Voilà, c'est du tout début Melbourne jusqu'à Zandvoort, hein, grosso modo. Hein, c'est de là qu'il a. Et encore, il a quand même plutôt bien résisté. Hein, mais ouais, bah, il a eu trop d'écroulement au milieu d'année. Quoi. Il perd 12 points bêtement en foutant Russell dehors volontairement, en tapant volontairement Russell en Espagne déjà, ça c'est sûr. Et puis après, il a pas fait beaucoup d'erreurs à part ça, hein, honnêtement. Il se fait sortir par Antonelli au départ en Autriche. Il perd quelques points, mais il était mal qualifié. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est. Bon, 10 champions, ce serait beau, ouais. Ouais, clairement, déjà, ce serait déjà pas mal. Hein. Mais donc voilà, et puis effectivement, alors. Yuki Tsunoda, ça a été un week-end de l'enfer. Hein. C'est-à-dire que la voiture n'allait pas. Eux, ils n'ont pas décidé de partir des stands. Donc la voiture avait les mêmes réglages en course, donc ça ne roulait pas. Et en plus, il n'avait pas de grippe, il a eu de grippe absolument dans aucun moment du week-end. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai rien. Et il fait une attaque un peu n'importe quoi sur je ne sais plus quel pilote qui est à sa gauche. Non, mais en fait, il tape Lance, mais parce qu'il attaque le pilote qui est à sa gauche. Il harponne Lance Stroll, qui n'avait rien demandé et qui était juste devant. Et puis, oui, c'est Colapinto qui est à ses côtés. Et puis, il prend une pénalité de 10 secondes, et puis Red Bull ne fait pas la pénalité de 10 secondes, ce qui lui refait une autre pénalité de 10 secondes. Et donc, du coup, forcément, ça a été très compliqué. Il finit dernier, très très loin du peloton. Mais je pense qu'on peut aussi dire quand même que le week-end de Tsunoda En tout cas, l'évolution du week-end de Tsunoda par rapport à Sylvester Verstappen a été une des pires de la saison en termes de comparaison, je pense. Franck. Oui, bon, en vrai, il n'était pas si loin en termes de vitesse pure sur les séances chronométrées. Hein, parce que je crois qu'il était à 2 ou 3 dixièmes. Ce qui est quand même beaucoup pour Interlagos. Hein, mais c'est vrai que c'était pour une voiture qui était extrêmement mal réglée, c'était compliqué pour lui. Non, bah, c'est compliqué. Je pense que là, pour le coup, il a vraiment pas aidé sa cause pour si jamais Ouais. Laurent Mekies le soutenait encore pour 2026. Je pense que là, c'est quand même un petit peu râpé. Hein, soyons clairs. Je sais qu'il y a voilà, il y a eu un peu bisbille entre Marco et Mekies. On en a parlé un petit peu juste avant le week-end parce que bon, c'est un peu l'occasion d'en parler là maintenant parce que sinon, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le week-end de Tsunoda, mais. Clairement, peut-être le fait de ne pas l'annoncer maintenant, ça permet aussi de garder la motivation de tous les pilotes intacts chez Red Bull comme chez Racing Bulls. Mais là, je ne vois pas comment, même si Honda s'est exprimé, a dit qu'il était même prêt à continuer à soutenir Tsunoda, peut-être pour le rétrograder chez Racing Bulls, ça voudrait dire effectivement ne pas faire débuter Arvid Lindblad. Là, il Moi, faut je pas vois pas quel convaincre. levier Honda aura alors qu'ils sont chez Aston, en fait. Un levier plus uniquement financier, clairement. Est-ce que Red Bull en a besoin? Je suis pas Je sûr. ne sais pas. Voilà. Maintenant, par contre, Permane souhaite des pilotes expérimentés aussi. Donc ça, c'est peut-être la voix d'Alan Permane qui pourra en juger. Là, je laisserai Alex en parler quand j'aurai fini mon petit point. Non, non, pour moi, c'est assez figé. En tout cas, chez Red Bull Racing, ce sera Verstappen Hadjar, assez sûr, à 99,89%. Pas dire 100. Lawson, je vois effectivement aussi rester. Il n'y a pas de raison. Il fait une fois Il encore fait un un super taf, hein, très, très, franchement. très super week-end. On en parlera tout à l'heure. Et Tsunoda, ouais, ça sera. Si Tsunoda reste, ça sera uniquement du côté politique derrière, avec du Honda, avec un souhait peut-être de Permane d'avoir quelqu'un un duo expérimenté pour aborder les règles 2026. Et encore, je suis pas certain que Marco accepte forcément cet argument-là. Je veux dire que si. Et je vois pas Mekies sauver le soldat de Tsunoda pour aller chez Racing Bulls non plus. Non. Donc je pense que Marco risque d'avoir gain de cause et je vois assez peu de scénarios où Tsunoda est conservé chez Racing Bulls l'an prochain, voire même dans la filière Red Bull tout court. Voilà. Je laisse du coup Alex parler de ce que Ah bah, Perman a dit à ce sujet. je voulais juste dire qu'on a déjà vu ça chez Racing Bulls, enfin anciennement à Toro Rosso, quand ils avaient fait venir Kiat chez AlphaTauri, alors qu'il était déjà rétrogradé, puis écarté, parce qu'il avait été rétrogradé de Red Bull, puis écarté de Toro Rosso, il était revenu, donc c'est pas impossible, mais c'est vrai que le contexte il prête pas trop selon moi. Je te laisse parler, Alex. Juste on demande Lawson ou Hadjar chez Red Bull Racing, parce que je suppose que RB c'est Red Bull et pas Racing Bulls. Non, pour moi, Lawson ne retournera jamais chez Red Bull, d'autant plus qu'il y a Hadjar et il y a Mekies. Ouais. Voilà, et Marco. Donc voilà, si tu fais déjà ces trois, voilà, ce trio-là qui souhaite clairement voir Hadjar aux côtés de Verstappen, je pense que Lawson pour l'instant c'est non quoi. Et selon moi, même si c'est moins évident, ça reste quand même évident. Je pense que Hadjar est quand même un peu plus de potentiel et me semble un peu plus mature en termes de pilotage. C'est vrai que sans la gestion Horner, c'est déjà un peu plus. C'est moins toxique, on va dire, pour le deuxième pilote, clairement. On le voit avec Yotsuda qui est un peu plus dorloté, bichonné, vous appelez ça comme vous voulez par Mekies. Mais ça ne suffit pas quand même. Hein. Clairement, au bout d'un moment, les chiffres y parlent aussi. Hein. C'est ça. Justice demande s'il n'était pas monté chez Red Bull, Tsunoda aurait-il eu ses chances pour la saison prochaine? C'est possible. Mais en fait, pour moi, il aurait dû monter dès le début de saison, surtout. C'est ça qui était la vraie improbabilité, je pense. Hadjar, bah, évidemment. Je veux Ah dire. bah, Hadjar lui attendait, Et mais. il a dit, il est plus que prêt, quoi. Il a dit, si en plus il y a une année pour débuter, c'est bien 2026, quoi. C'est un reset, donc. En fait, comprenez bien que tout le débat qu'on a, nous, les pilotes, eux, ça débat pas du tout comme ça dans leur tête. C'est-à-dire que eux, c'est il y a un top team, il me veut, j'y vais. Y a pas, le débat, il s'arrête là. Et Hadjar l'a déjà dit. Hadjar a dit oui, ce serait tôt. Oui, ça fait peur parce que c'est Verstappen en face, mais oui, j'irai. Oui, Et parce que bien c'est sûr qu'il y a. 2026, nouvelle voiture. Verstappen n'aura pas mis sa patte dessus en termes de développement, encore tout ça. C'est vraiment l'année idéale pour aller s'affronter à Verstappen si on est celui qui est promu. Voilà. Et puis encore une fois, il y a possiblement une place de leader dans l'équipe le jour où Verstappen se barre. Donc encore, enfin c'est tout Oui. bénef pour Hadjar. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du niveau potentiel de la Red Bull Ford de l'an prochain. Ça. Surtout, c'est le moteur Red Bull Powertrain, c'est une catastrophe, effectivement. Ouais. Donc, mais ce sera pas une catastrophe éternellement, hein, tu vois. Donc, moi, pour moi, la place d'Adjar, si là, elle est parfaite. C'est le moment ou jamais. Parenthèse, on a réglé mon voiture 2026. Non, pas exactement. Il reste encore des choses à voir. Mais C'est dans pas longtemps. ouais. Non, après les équipes travaillent quand même dans un cadre assez précis, mais bon. Alex, je t'avais un truc à dire sur Tsunoda, je crois, puisqu'on t'a interrompu par des questions. Non, sur Perlman, et effectivement, Perlman a fait une déclaration qui n'a pas plu à Lindblad, c'est qu'il a dit j'ai besoin de pilotes expérimentés dans mon équipe, donc dans chez Racing Bull, c'est qu'il plaide pour avoir un duo, Hadjar, Lawson, Tsunoda, enfin en tout cas, pas promouvoir un rookie. Voilà. C'est peut-être la bouée de sauvetage de Tsunoda, et la seule, c'est l'avis de Perlman. On a besoin de pilotes expérimentés pour être dans le coup tout de suite, etc. Lui, il en a marre d'avoir des rookies, il veut des pilotes expérimentés pour commencer une nouvelle année de réglementation, on peut le comprendre, mais voilà, on peut se demander si c'est vraiment l'objectif d'une équipe comme Racing Bull d'avoir un Tsunoda à revenir chez eux, quoi. Après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où ils ont hésité à lourder l'équipe, ils ont dit on va faire Racing Bulls, enfin RBF1 et tout ça avec Visa, machin. Ils ont dit on arrête de faire une équipe 2 et c'est une équipe sœur. Donc, effectivement, ça a du sens de mettre deux pilotes expérimentés et de ne plus en faire un espèce de tremplin possible pour les pilotes, même si c'est un peu la logique quand même. Bah, c'est une équipe sœur, t'as qu'à mettre Verstappen chez Racing Bulls alors. Bah, et peut-être. C'est l'égalité. Non, mais en soi. Et ça fera égalité entre une équipe avec Alonso et un nouveau-né. Ah mais ouais, pourquoi pas, hein. C'est sûr que en soi ça pourrait, mais après je pense que si ça avait été si là, parce que là aussi il y a un espèce de mythe populaire selon lequel la Racing Bulls est meilleure que la RB21 parce que Tsunoda fait rien dans la RB21. Si vraiment la Racing Bulls avait été meilleure, croyez-moi que Verstappen aurait fait le forcing pour aller dans l'autre équipe, hein. Je pense que la RB21 est quand même nettement meilleure parce que Verstappen est comme tous les autres avec un contrat Red Bull. S'il voulait vraiment partir chez Racing Bulls, il a le droit. Il a le droit de le demander. Il l'a jamais demandé. Ah, oh, en qualif, il aurait peut-être fait un meilleur résultat, cela dit. Puis Kadjar a fait cinquième. Peut-être. Mais, mais voilà, après, une fois la voiture réglée, c'était une fusée hier. Ouais, c'est l'avis comme de Ralf Schumacher. Hein. Ralf Schumacher a dit que si Verstappen avait été dans une Racing Bull cette année, il serait champion du monde. Hein. Oui, mais Ralf Schumacher a dit beaucoup de choses. Effectivement, de lire. Ça s'entend. Je sais que Ralf Schumacher, il a des avis très controversés. C'est juste une petite parenthèse sur lui parce que oui. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est comme Martin Brundle, comme Jacques Villeneuve, comme Romain Grosjean, comme beaucoup. Ils sont consultants permanents dans le paddock. Ouais. Ils ont une voix qui compte. Il a été ancien pilote de F1. Oui. Il dit des choses des fois un peu insensées. Il dit des choses des fois très sensées aussi. Voilà, c'est des personnalités qui font réagir aussi, et voilà, et je sais que certains l'aiment bien, certains ne l'aiment pas, et voilà, ça permet aussi d'alimenter les débats et de souligner certains points. Et puis, c'est des pilotes qui parlent, ça reste des pilotes qui parlent, c'est super intéressant. Même les pilotes dont on trouve qu'ils ont des avis un peu pétés, ça reste des pilotes qui savent ce que c'est que ce métier. Pour autant, je pense qu'il y a tout un mythe autour de Verstappen, et qui, à mon avis, est totalement injustifié. Mais en tout cas autour de la RB21 On a bien cité aussi Damon Hill ou Jenson Button, voilà, qui intervenait un peu plus sur les chaînes anglaises, mais moins maintenant. Par contre, c'est vrai que nous, pour ceux qui suivent un peu les médias anglais, on citera beaucoup moins Jamie Chadwick, ou Karun Chandhok, ou Julian Palmer, effectivement, parce que voilà, ils sont beaucoup plus suivis et connus sur ce genre de médias là qu'en France. En ce moment, on donne un peu moins la parole à Felipe Massa aussi, mais ça c'est pour d'autres raisons. Oui, bon. Donc voilà, mais en tout cas, après moi je pense que la RB21 est quand même une meilleure voiture, elle est juste très complexe, mais ça, les Red Bull l'a toujours été, mais voilà. Quand elle fonctionne, elle est plus rapide, mais elle est plus difficile aussi. Ouais, mais elle est bien meilleure, elle a un potentiel qui est 100 fois meilleur. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. On a dérivé sur Racing Bulls, mais. Oui, bon, c'est pareil, on a un petit peu d'avance, on va faire un petit passage par les États-Unis entre temps. puisqu'on va quand même parler de Haas et de la 6e place de Liberman, et Esteban Ocon termine 12e. Encore une fois, Liberman, ça commence à être un sans faute depuis pas mal de semaines. Hein. On a un excellent Liberman qui en tout cas a un rythme incroyable et fait des très bonnes performances. Ça fait un peu mal pour Esteban Ocon, mais je dois faire la moue, du coup j'ai tissé la parole. Mais c'est je faisais l'amour en lisant la petite note que tu avais mis sur la course difficile d'Esteban encore, effectivement. Je laisse Alex commencer. C'est dans la lignée du Mexique, hein, où il fait sa meilleure course en carrière, 4e. Là, c'était une course aussi vraiment très impressionnante dans le peloton. Alors, il a raté ses qualifs sprint et son sprint, mais il fait... c'est vrai qu'il fait encore une Q3, 8e place, à un cheveu de battre Russell. Hein, il est dans le même 10e entre... Piastri et Berman qui est 8e, il y a le même 10e d'écart. Hein, pour vous dire, et surtout, il est top 3 en Q1 et Q2. C'est surtout ça qui est fou. C'est ça, exactement. Et puis en course, il met 22 secondes à Lawson, hein, puisque Lawson était sur une stratégie à un seul arrêt et du même coup. Il menait le convoi de la 7e. Exactement. Exactement, mais Berman, c'était le TGV, dans le peloton. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Ça fait mal, effectivement, pour Ocon. Depuis qu'il y a cette évolution-là, là, c'est un style. Bah, c'est Berman qui survole les débats, qui permet à Haas de revenir à 2 points d'Aston à la 7e place au classement des constructeurs. Voilà, là encore, hein, on n'a pas parlé de difficultés d'Hamilton, mais ça chauffe déjà derrière, quoi. Bah, en tout cas, c'est le candidat. C'est sûr que là, depuis quelques courses, c'est le candidat tout désigné pour un futur volant chez Ferrari, quel que soit le moment où ça se libérera. Comme on l'avait dit, hein, ça peut être très bien être Hamilton, ça serait bien être Leclerc, parce qu'on va y revenir, mais je pense que chez Ferrari, il y en a un qui va commencer à Non. perdre patience, à mon avis. Donc voilà, et Berman, effectivement, bah maintenant, alors déjà, encore une fois, moi je maintiens toujours hein, ce qu'on a vu de Berman l'an dernier en tant que pigiste remplaçant de dernière minute, Oui. que ce soit à Jeddah chez Ferrari ou à Bakou et Interlagos chez Haas, c'était. Enfin, c'est incroyable. Et puis là, bah, clairement, cette année, c'est une montée en puissance depuis le début de saison qui est folle, complètement folle. Oui, il est en train d'éteindre quand même au fur et à mesure les stats de Van Ocon, hein. Ce Je que n'avait ne veux pas rajouter plus ce que n'avait jamais réussi à faire Alonso, hein, entre Ouais. nous. Je vais pas en rajouter plus en termes d'éloge sur Baman parce que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Il a fait une course à peu près sensationnelle, malgré le fait qu'il ait 9 points de pénalité quand même encore, hein, il faut quand même le souligner. D'ailleurs, je tiens à souligner juste qu'on a oublié de dire que Piastri était monté aussi à 8 points de pénalité, puisque dans leur grande mansuétude, les commissaires ont se dit, tiens, si on rajoute aussi 2 points à Piastri pour Bah en sa même temps, ça va manœuvre. avec les 10 secondes. Ouais, c'est À ça partir va du moment où avec. tu juges 10 secondes, tu mets Franchement, 2 pour le points. coup, c'était tellement pas justifié que là, mettre les points, ça l'était encore moins, mais bref, voilà. Donc Piastri, 8 points sur 12 quand même. Voilà, attention à lui. Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, il s'en fout un petit peu aussi, si Il a bon, un je jour, prends le risque, il le Verstappen a un jour prendra. 9 aussi, non? Il est redescendu un peu, ouais, je crois, voilà, c'est Il ça, est je crois qu'il a toujours pris à 9 aussi. 9. Ouais. Ouais, donc voilà, donc, mais même malgré ses 9 points de pénalité, Berman, voilà, il y va, il avance toujours, et il n'y a rien qui le bloque, je pense qu'il s'est libéré un petit peu hein, chez Haas. Et au contraire, à côté de ça, on a un Ocon qui est en train de se crisper par rapport à sa compréhension de la voiture et des évolutions. Alors pour l'instant, les discours restent assez zen, neutre, calme, on va dire. Mais bon, je sais pas comment en interne Komatsu aborde la chose en termes de rythme en tête à tête avec son pilote. Mais il va quand même falloir qu'Esteban se réveille un peu plus, quand même, mine de rien. Je veux bien qu'il y ait toujours des petites circonstances atténuantes sur certaines choses, mais au bout d'un moment, bah, c'est aussi pilote de créer sa chance quoi et là faut quand même dire que Berman bah, je suis désolé il survole les débats chez Haas depuis quelques Grands Prix c'est assez flagrant Et quand même, belle course je tiens à dire quand même, belle course d'Ocon. Il termine oui 12e avec une crevaison, et lui, la crevaison arrive après la VSC. Donc il se retrouve à faire un arrêt en plus qui n'était pas prévu. Et je pense que sinon, il y a peut-être des points à la clé. Alors ça n'aurait pas été une 6e place comme Berman, hein, ça aurait quand même été derrière. Mais à mon avis, avec le rythme de Lawson et tout, il aurait pu être dans ce groupe-là. Donc on ne saura jamais, mais voilà, c'est un peu. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Maintenant, il a 10 points de retard sur Berman, hein, je crois, au championnat, qui lui, Berman, est très très proche, 3 points de la 9e place. Ouais, c'est tout doucement en train de devenir la référence du peloton. Et alors là, encore une fois, on voit la super intelligence de Komatsu qui a décidé, et avec ses ingénieurs, d'aller mettre un dernier package d'évolution pour Haas. Puisqu'effectivement, la voiture fonctionne très très bien. Elle est clairement la cinquième Alors, force du plateau là, si je peux me depuis le permettre, début du week-end, hein. la super intelligence confirmation l'an prochain. Parce qu'il faut aussi que ce soit performant l'an prochain. Il ne faut pas que cette évolution de Steen ait pris du temps aéro sur l'an prochain, alors qu'on a des équipes comme Williams qui ont vraiment voilà, Ouais. tout misé dessus. Donc, on est tous d'accord, c'est un excellent directeur d'équipe. Coup de génie, attendons l'an prochain. Ouais. Après, encore une fois, normalement, ils ont un peu moins de taf qui est fait full chez eux que les autres, donc ils peuvent se le permettre, je pense. Mais après, à voir quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était, pour l'instant, c'est devenu la cinquième force du plateau, je pense. En tout cas, avec Berman à son volant. Et c'est vrai que dans ses qualifs qui étaient un peu folles samedi, il a été deuxième et troisième des Q1, Q2. Et moi, j'ai cru à un moment qu'il allait nous faire un top 3 qualif. Hein. Et franchement, il n'aurait pas raté son tour en Q3. Je pense qu'on y allait tout droit. Donc, c'était impressionnant. Et je serais pas étonné qu'il recrée encore une fois la surprise avant la fin de saison, puisque c'est vrai Ouais. qu'il a fait quasiment toute la course en troisième place au Mexique, enfin, une bonne partie de la Oui, course. voilà, totalement à la régulière, totalement à la Ouais, c'est régulière. ça. Hein. Donc, et pas Sans plus. abandon, là on avait quand même des Oui. abandons, voilà. Mais qui? Non, mais les très intelligente, très intelligente la course de, très intelligente la course de qu'il avait fait au Mexique aussi, où il arrive à faire des dépassements parce que devant lui ça fait un peu n'importe quoi et tout. Enfin franchement, moi je Je suis impressionné et c'est vrai que, bah, encore une fois, on l'a beaucoup, beaucoup dit depuis le début de saison, mais on a une fournée de débutants qui est folle, hein. Cette année, ils sont tous super bons à un moment ou à un autre. Donc bravo à eux. Et en ouais, parlant même Lance Stroll. Ah, pardon. C'est pas ouais. il a deux. C'est sa deuxième saison. Troisième. Oui, c'est sa deuxième. L'an prochain, ça sera sa neuvième saison. Hein. L'an prochain, c'est la bonne. Peut-être, hein. Avec la voiture. Ils ont battu sur la fiabilité, c'est le titre. Non. Là, vraiment. Là, il faut lui faire le remake de là-haut, mais en version film et pas en version dessin animé. C'est lui qui joue le papy qui monte dans la maison, parce qu'au bout d'un moment, il faut. Ah, si c'est pas là-haut, c'est tout en bas, quoi. C'est ça. Ah, ce serait un scénario fou. Enfin, bon, on n'y est pas encore, mais. Ce serait dingue. Et donc, on parlait de débutants. Je pense qu'avec As, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On va passer à Racing Bulls, qui a aussi un très bon duo de. Alors, Lawson n'était pas un total débutant, mais un très bon duo de jeunes pilotes et de pilotes pour la première saison, puisque Lawson termine 7e, Hadjar termine 8e après une super qualification en 5e place. De nouveau, les deux étaient très rapides. Lawson est un peu plus brouillon, hein, toujours. Il est toujours en train de. Il finit toujours par s'accrocher avec quelqu'un ou avoir un petit moment dans le week-end où ça se passe pas très bien, mais très bonne course, un seul arrêt, et il a réussi à le faire fonctionner en créant un train de type convoi. À la fin, c'était même plus un train DRS, c'était un convoi DRS. On avait un fret SNCF. C'était bien joué, ils avaient mis peu d'appui, ça a bien fonctionné, et il a bien réussi à garder la main sur un peloton qui était pourtant avec des pneus beaucoup plus frais que les siens. Et a terminé 7e. Hadjar est 8e. Lui, il regrette un peu un premier relais dans lequel il dit on s'est endormi. Ouais, une exécution pourrie, pour le citer. Exactement, ouais. Il ne mâche pas ses mots. Je ne sais pas si ça va. Ça a même failli mal finir entre les deux, parce qu'ils sont quand même retrouvés sur une bataille assez chaude au premier virage du dernier tour. Bon. Heureusement qu'il ne s'est pas accroché, parce que là, ça aurait été. Ouais. Ça aurait été une image qui n'avait pas été montrée en direct, mais bon, c'était quand même chaud entre les deux. Ça aurait pu mal se finir. Et là, je pense que le discours, il n'aurait pas été le même au niveau de l'équipe après, mais. Il a de quoi être déçu de Hadjar, parce qu'il fait une qualif exceptionnelle, hein, 5e. C'est super, puisqu'il a battu de très peu, bon, en qualif, mais bon, 300e, je crois, et ça vaut une 5e place contre une 7e. Donc il a de quoi s'estimer déçu. Bon, ça fait quand même une entrée dans les points, et Lawson, effectivement, confirme la bonne tendance sur laquelle il s'est mis. Donc, certes, brouillon, mais quand même rapide, il s'est remis la tête à l'endroit, et ça se voit, hein, ça se voit avec un rythme pur qui était vraiment un rendez-vous. Il prend un mauvais départ, surtout Hadjar, surtout ça qui lui coûte cher. Ouais, puis c'est vrai. Et puis les VSC aussi, je crois qu'ils l'ont pas forcément aidé non plus. Donc, une stratégie où il y aura un moment où il fait son ravitaillement, désolé, je parle un petit peu comme un ancien. Son changement de pneu, voilà, il se retrouve vraiment quasiment au fond de peloton. Donc là, je le voyais vraiment plus hors des poids, je le voyais même. On a dit gueuler un peu la radio, mais non, ça n'a pas été le cas. Il a un peu gueulé quand même. Hein. Ouais, il a un peu gueulé quand même. Bon. Sur les pneus, bon. Alka le dit, Hadjar a de plus en plus de radios toxiques comme en F2. Et on a entendu Pierre Hamelin plusieurs fois lui dire écoute, calme-toi. Donc, quand vous entendez Albon, regardez, écoutez les radios d'Albon. Hein. Ouais. Hamelin, à un moment, il fait une remarque hyper, hyper sympa quand même. Et puis il lui dit arrête de me crier dessus. C'était en course ou c'était en qualif? C'était en course, je crois, parce qu'en qualif, en fait, je pense que tout le week-end, il s'en est pris et du coup, il a mal interprété ce truc. Parce que qualif, il s'en prend une, il lui dit calme-toi. Donc, c'était un peu tendu entre les deux. Mais je pense qu'Hamelin, ça le change. Il avait passé pas mal d'années avec Gassi, c'est pas le même tempérament. C'est ça. Bon, je crois qu'il a eu Tsunoda aussi entre temps, mais il me semble qu'il l'a eu à un moment. Bah, donc, les radios toxiques chez Hadjar, elles reviennent au fur et à mesure que Lawson reprend du poids de la bête aussi. Hein. Il y a de la tension, hein, c'est normal. Et puis bon, les saisons sont longues. Hein. Encore une fois, je pense que les pilotes, nerveusement, ils doivent être un peu. Tout ça, là, ça, ils arrivent à la Vegas sur un circuit compliqué et ça va être un peu chaud, je pense. Parce que. C'est vrai que si en face d'Hadjar, ça va être un pilote qui n'avait pas déjà été chez Red Bulls pendant deux courses, il y aurait peut-être de quoi s'inquiéter. Un peu plus en tout cas qu'actuellement. Possible. Possible. Mais attention, quoi. Mais Hadjar est quand même très proche de Marco, et dans tous les cas, Marco, je pense qu'il adore les pilotes qui sont comme lui. Il a son chouchou, oui. Ah, clairement, je pense que. Voilà, mes caisses l'adorent aussi, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après, je trouve pas qu'il ait l'air toxique parce que il a l'air franc et tout, mais il est aussi capable de beaucoup se remettre en question. Et du coup, je pense que quand il fait des conneries, il est aussi capable de dire que c'est lui qui l'a fait. Donc, je pense que. Je pense que c'est pas une Alors, comportement toxique. Il se met à la méthode Verstappen, hein. un peu agressif à la radio. Un peu. mais ça amusait tout le monde quand c'était Kimi Räikkönen. Hein. Kimi Räikkönen était imbuvable à la radio, alors que tout le monde était ah, oh, c'est drôle. Son ingénieur se faisait massacrer. Ouais, idem, Albon ou même Verstappen, Lambiase, c'est un peu chaud, mais c'est direct. Non, mais Lambiase a une façon de recadrer Albon qui est Verstappen qui est par contre incroyable. Oui. Toujours très. Et d'ailleurs, Verstappen respecte ça. Hein, ouais. Ça. Ah ouais. Et je pense que ça lui fait du bien des fois, même si sur le moment il aime pas trop. À mon avis, ça lui fait du comme bien. Comme on lui a dit, voilà, je sais plus, il avait des problèmes d'équilibre ou de pneus, et donc il a dit, proposez-moi des réglages, et donc il a dit très sec, voilà, on propose ça comme réglage, tu les prends pas, c'est ton idée, mais voilà ce qu'on te propose. Ouais. Ah ouais. C'est aussi pour le pilotage, c'est ce qu'il disait, qu'il survivrait un peu trop sur le premier virage. Il m'a dit qu'il devait faire plus attention à ça. Et c'est mon conseil, tu le prends pas. Mais voilà. Je pense c'est pour ça que pour moi, Lambiase, c'est un des meilleurs ingénieurs de course aujourd'hui. C'est parce qu'il a déjà, il gère un pilote qui est quand même, c'est Verstappen, et il arrive à le gérer super bien. Et je pense qu'il est, il est très très très très, enfin, c'est un acteur incroyable de cette domination. Et mais c'est vrai que oui, je pense que Pierre Hamelin, il est un peu désarmé des fois par rapport à ce que fait lui. Il a quand même une relation souvent très posée avec les pilotes. Et je pense qu'il est un peu désarmé par rapport à ce qui se passe avec Adjar. Mais bon, après voilà, Adjar, ça va. Oui, c'est vrai que Bono aussi était content de retrouver le podium, ouais. Mais avec Antonelli. Donc voilà en tout cas pour Racing Bulls, qui du coup fait un petit bond en avant par rapport à Aston Martin, parce qu'Aston Martin avait repris des points lors du sprint. Et là, ils reprennent des points et du coup, ils se retrouvent 10 points devant Aston Martin à la 6e place. Donc. C'est pas encore fait non plus, hein, parce qu'on sait que c'est très serré dans le peloton, mais les points valent cher. Hein. Les points valent cher, ouais, ça c'est sûr. Ah, ça, et au du peloton, ouais, c'est. Et on voit quand même en plus que plus les écarts se resserrent, plus les top teams sont prenables. En tout cas, les moins bonnes voitures des top teams sont prenables pour les meilleures voitures du peloton. Et que clairement, on voit un Berman qui s'y vise dans le top 5, on voit un Adjar dans les qualifs, et au final, il y a quand même des opportunités de marquer 10 points d'un coup pour les équipes du peloton. Donc, donc c'est effectivement un peu compliqué. Je salue The Truman Chauve dans le chat qui vient d'arriver et qui a réussi à trouver la même couleur de pseudo que le pull d'Alex. Donc, moi je l'ai en violet. Mais, Je crois que les couleurs diffèrent. Ah, ouais, les couleurs diffèrent sur les gens. Moi je l'ai en couleur pull d'Alex. Wow. Moi je l'ai en vert. Mais ça c'est pour mon pull vert tout à l'heure pour rester. Ah ouais, je pensais qu'on avait juste les mêmes couleurs de pseudo. Ah bah non. Et non. Est-ce que Truman Chauve, ou alors t'es daltonien. Non, quand même. J'adore mon pull rose. La Ferrari, elle est de quelle couleur? Verte. Non, elle est orange, papaye. Ouais, alors, ça, c'est que tu soutiens la mauvaise équipe. Avec Lando Norris et Oscar Piastri comme pilote. Transfert de palmarès. Avec un Italien, Andrea Stella aux commandes, évidemment. Mais le joueur était chez Ferrari, de toute façon, Stella. Il était ingénieur d'Alonso avant. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, Andrea Stella, je ne veux pas dire, mais bon, si un jour on l'enverrait chez Ferrari à la tête de la Scuderia derrière. Ah. Je serais presque prêt à parier dessus comme sur le Bitcoin en 2010, quoi. Moi, je peux parier sur le Bitcoin. Grosse cote, mais ça peut payer, quoi. Donc, Renoir qui poste son premier message dans le chat, bonsoir, dit je confirme que le pull Alex est vert pomme. Alors, en Renoir, moi je bois vert pomme, justement. Alors, ça va être comme ce débat sur la robe là, à l'époque. Est-ce qu'elle est bleue et noire, ouais. Non, mais ah bon, c'est quand même fou qu'on n'ait pas les mêmes couleurs de pseudo, quand même. Non, mais ça, c'est Twitch qui fait. C'est la même que Franck qui n'est pas daltonien. Merci, John Smith. Mollusque me met un tacle venu de l'espace qui me dit c'est surtout toi Manu qui dois être bien pour aimer la kick. Ah voilà. Alors, ah oui, alors franchement ouais. Alors celui-là ça fait un an et demi qu'il traîne, je pense, bravo. Mais elle est très bien. Alors cette année, j'ai dit qu'elle était un peu bas de gamme en termes c'est de. C'est pas une question d'Altonia. C'est juste une question. J'ai juste des gouttes de chiottes. J'ai juste des gouttes de chiottes, c'est pas le problème. Non, la steak de l'an dernier était très jolie. Cette année, je suis moins fan. J'aime bien la couleur par contre, mais je trouve ça va très bien sur une monoplace. Mais c'est pour ça que t'as mis un t-shirt noir. Si j'avais pu mettre du vert fluo. Mais Zach Maron, Franck. Zach Maroné. Mais non, effectivement, j'avais bien la steak de l'an dernier. C'était une très jolie livrée, je trouvais. Effectivement, alors Félix, ça attaque à la gorge. Hein, c'est... Mais bon, j'avoue, joli. Voilà pour Racing Bulls. On va passer à Sauber et sa magnifique livrée. Regardez ce bandeau sur l'écran, il est incroyable. C'est le plus beau bandeau de tous les temps. Ah, mais il est magnifique. Moi, je le mettrais toutes les missions si je pouvais. Ferrari en vert. Non. Ouais, non, mais après les gens vont commencer à se dire qu'il y a des problèmes dans cette émission. Donc du coup, Hülkenberg termine 9e. Alors le week-end a été chaotique pour Sauber, on peut le dire, puisqu'il y a eu 3 accidents en 2 courses, donc ça fait beaucoup. Et Bortoletto dans les tribunes, donc. De quoi? Et Bortoletto dans les tribunes. Oui, Bortoletto s'est mis l'accident de l'année, hein, je pense. Je ne me rappelle pas qu'on en ait eu un aussi violent cette année. Non. Effectivement, avec un gros crash. Spectaculaire en tout cas. Ouais, très spectaculaire. Pas dangereux, enfin, oui. Pas si dangereux, mais pas. Ouais, c'est que de savoir combien de G il prend sur le mur. 57, on a vu comme plus de 50 G déjà cette année, mais c'est vrai que l'éparpillement en morceaux de sa voiture, il y a quand même des clichés. Elle a décollé. Ah ouais, clichés superbes quand même derrière avec sa voiture. C'est vraiment, pour le coup, c'était très graphique. Hein. Ah ouais. Désolé pour lui, mais parce qu'on voilà, on sait qu'il s'en sort bien derrière, mais c'est vrai que c'est très impressionnant du coup. À revoir surtout en merci, photo. La sécurité en F1, on le dira jamais. Ouais, c'est ça. Ouais, la sécurité des voitures qui est incroyable. La sécurité des circuits un peu moins, parce que la voiture décolle de 20 cm comme ça ou 30 cm, enfin 20 cm je pense. Bah, c'est la pente de la piste là aussi qui fait ça. Hein. Ouais, mais ça me paraît toujours fou. Bah, regarde les voitures qui décollaient au Mans ou ailleurs sur des bosses. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème avec le fait qu'il atterrisse quasiment avec le museau dans les grillages. Mais après, c'est mon point de vue, hein. Mais c'est vrai que je pense que si il se met de côté quand il va frapper le mur sur la gauche, parce que voilà, parce qu'il freine sur la zone mouillée, le DRS est encore un peu ouvert, voilà, et du coup l'air s'engouffre sous le côté du fond plat, ça le fait un peu décoller, plus la piste qui descend en plus à ce moment-là. Ah ouais, mais on voit qu'il y a une bosse, on voit qu'il y a un décollage, et heureusement qu'il perd de la vitesse avant, parce que si c'est un accrochage où il se fait harponner par une voiture par exemple qu'il est en train de doubler, à mon avis il atterrit dans la grille, hein. Mais bon, après on verra bien comment ça, si un jour ça arrive, comment ça se passera. D'ailleurs, de mémoire, c'était arrivé à Andretti en 93 qui finit en grillage, mais je crois que lui il y avait eu un décollage sur une voiture, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Heureusement il va bien. Alonso en Australie en 2017, je crois. 2016, ouais. 2016. Il aurait pu rendre un bel hommage à la domicile avec la colonne de direction. Oh. C'est non, moyen, ouais. C'est moyen, ça, contexte d'année. Non, c'est... un peu limite. Voilà. Même nous, on est outrés, là, franchement. On aime bien les blagues, mais... Non, effectivement, en plus, alors, par contre, effectivement, des dégâts qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les voitures, hein, vraiment la colonne de direction qui a cassé net. Bon, concrètement, il n'y avait plus aucune roue à la fin, le moteur était en vrac, enfin bon, voilà. Et l'équipe a failli lui réparer la voiture à quelques minutes près. Alors là, franchement, et sachant qu'ils avaient réparé la voiture d'Hülkenberg après le sprint, pendant l'interruption du sprint, pardon, en vitesse aussi. Donc, franchement, excellent week-end des mécaniciens de Sauber qui n'avaient pas forcément besoin de ça en termes de fatigue, j'imagine. Et puis, alors je vais éviter Bortoletto, puisque du coup, Bortoletto se fait pousser hors piste par Stroll au premier tour de la course et abandonne aussi. Donc, grosse déception déjà pour lui à domicile, Franck, puisque il a fait deux courses, mais au final, aucune où il voit l'arrivée et une où il a fait qu'un seul tour. Oui, c'est ça, très grosse déception. Il attendait vraiment ce week-end à domicile avec beaucoup d'impatience. Hein, donc, en plus, sur une très très belle lancée de résultats vraiment prometteurs face à Hülkenberg, notamment, hein, sur ces dernières courses, où quand on sait que la Sauber a réussi à jouer les points de manière presque régulière aujourd'hui, au Brésil, où tout peut arriver, je pense qu'il se voyait effectivement signer un résultat un petit peu dans la lignée de ce qui a été fait ces derniers temps. Et... Bon, ben voilà, est-ce qu'il s'est mis trop de pression? Bon, la question s'est un peu posée d'après ce qu'il a dit, mais c'est pas forcément le cas. Je crois que c'est toi qui as fait le texte, Manu, cet après-midi, mais voilà, après, ouais, c'est surtout un concours de circonstances. Ouais, il disait qu'en fait, il est obligé d'attaquer un peu plus, et là, effectivement, il voulait bien faire, donc il attaquait un peu plus. Il disait, en fait, pas de chance quand même. Le gros carton, c'est juste une attaque un peu plus. À Monza, syndrome Antonelli à Monza, peut-être. À Imola, surtout. À Imola, oui. Après, moi, j'aurais quand même mis un petit carton jaune à Stroll quand même pour le fait de pouvoir laisser de la place comme ça. Il s'est poussé comme un malpropre, hein, clairement. Il le dit à la radio et ça n'a pas du tout été suivi de quoi que ce soit, ni par la FIA, ni par... J'étais un peu étonné quand même. Quand tu vois qu'ils ont mis 20 tours à noter un incident qu'on a tous vu à la réalisation... Alors qu'il y avait 10 secondes à Piastri, alors qu'il fait un truc hyper propre, léché, magnifique, tout ça... en toute objectivité, bien entendu. Évidemment. Non, mais... Défendre spécialement, mais je pense que c'était quand même... Ah, mais non, mais clairement... Là, le fait que Stroll n'ait rien eu là-dessus, bah, je trouve ça un peu bizarre quand même. Ah oui. Bon, bref, de toute façon, ça ne change rien à la course de Bortoletto qui, malheureusement, a terminé tout dans les murs de pneus, malheureusement pour lui. Un petit budget pissé détaché qui ça devient un peu tendu chez Sauber pour la fin de la saison, hein, clairement. Je crois que c'est Whitley qui l'a dit aussi que ça n'était pas forcément idéal. Heureusement, bon, il reste encore Las Vegas à passer qui peut être un peu touchy aussi au niveau accident. Ouais. Après, ça devrait aller, mais bon, faire attention quand même, quoi, qu'on se retrouve pas trop court de pièces, surtout que les évolutions de la Sauber étaient arrivées assez tard Et ils n'ont pas dû non plus en produire énormément, quoi. Donc, faudrait pas que ça nous finisse la saison sur une ancienne version de la monoplace, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ils s'en tirent très bien. Bravo à la sécurité, encore une fois. C'est comme Alex l'a dit. Ouais, franchement. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'on te sort d'une boîte comme ça. Et en plus, on a vu pas mal d'images circuler aussi sur les réseaux sociaux, voilà, de tous les spectateurs qui sont dans les tribunes. Parce que maintenant, il y a Interlagos qui s'est vraiment agrandi, modernisé. Il y a vraiment aussi des tribunes maintenant au bout de ce premier virage, un peu surélevé et tout. Et puis, on voit les spectateurs aussi qui ont eu très peur. Hein. On les entend crier et tout. Parce que bon, c'est vrai que c'est très impressionnant aussi de voir une monoplace comme ça qui est 330, je sais pas combien de kilomètres heure, sa boîte du samedi. Quand même 339 au moment où ça sort. Bon, ouais. Il n'a pas cette vitesse-là. Mais, ouais, le premier jour, il doit quand même le faire à plus de 300. Hein. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est très impressionnant. Ça se coupe bien. Donc. Pour le coup, ouais, ils s'en sortent vraiment très bien et ouais, chapeau aux mécaniciens qui ont failli à quelques secondes, minutes près. Quelques minutes, ouais. Relancer en Q1 quand même. En plus, il y avait eu un décalage de départ du sprint, je crois. Ouais. Donc s'il n'y avait même pas eu ça, peut-être que. Ouais, des qualifs, ouais, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ça a pas suffi. Et je sais pas si c'est. Je sais pas qui a mis ça en place, mais ouais, justement, ils expliquaient que ils ont pu le remonter. Rapidement la voiture parce qu'ils ont une espèce de configuration de la voiture qui leur permet j'imagine d'avoir des trucs préassemblés je pense et pour justement avoir plus de facilité à monter la voiture rapidement et c'est pour ça qu'ils ont pu le faire donc j'imagine que ça peut potentiellement venir de Jonathan Whitley puisque c'est quand même lui qui a repris l'équipe dans l'année et qu'apparemment ça va être un truc un peu nouveau donc bravo parce que c'est une bonne idée et ça permet d'avoir un opérationnel très très performant sur les week-ends de Grand Prix, surtout comme ça, sur les week-ends de sprint, où ça n'arrête pas trop. Donc voilà, en tout cas, pour Bortoleto et pour Hülkenberg. Alors, une erreur, voilà. Bah, la même que Piastri lors du sprint. Et puis, bah, par contre, sa première Q3 le samedi en qualif, la première Q3 de la saison. Ça, c'était assez fou comme stat, parce que moi aussi, j'étais persuadé qu'il avait fait une, mais non, effectivement, il avait fait qu'une SQ3 à Austin. Et puis, bah, 2 points de plus le dimanche après une belle course. Hein. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait fait une course solide, assez discrète mais efficace, comme il le fait souvent et que ça marche bien. Donc, 2 points de plus qui permettent un à crash, Sauber de rester. Oui. Il a fait partie des infortunés au sprint, virage 3, mais effectivement, c'est un Grand Prix solide d'Hülkenberg, discret, pas non plus extraordinaire. Il a bataillé dans le milieu de peloton. Hein. Il a été un peu, je crois, dans la même. Stratégique que Hadjar, quoi. Donc, ouais. Je réponds juste à la question de Bruno dans le chat qui dit est-ce que les mécaniciens s'entraînent pendant l'année à remonter une voiture? En fait, tous les Grands Prix. Les deux voitures, en fait, sont démontées et remontées constamment entre les Grands Prix pour être vérifiées, pour changer évidemment les pièces qui ont besoin d'être changées. Transportées. Donc voilà. Après, est-ce qu'ils sont entraînés à la remonter en X heures, c'est-à-dire en moins de 2 heures, en moins de 3 heures? Je pense que pas spécialement. Hein, ils s'amusent pas. En tout cas, peut-être qu'ils s'entraînent plus à faire cela que les mécaniciens de McLaren à changer les roues. Mais ça, c'est un autre débat. Alors qu'en plus ils ont réussi ce week-end pour oui, éliminer Alpine fois, parce qu'Alpine ils ont encore fait la 5 secondes ouais. Pour une fois les deux ils ont réussi chez McLaren. C'est vrai. Ils n'ont pas réussi chez Sainz par contre. Mais effectivement. Si tu nous dis alors là, c'est vrai que c'est l'erreur incroyable de Red Bull qu'on n'a pas su pourquoi exactement je crois. Pourquoi, ils ont mal observé deux fois la pénalité mais deux ouais. fois. A priori, oui. c'est. Mais la deuxième fois, ils n'ont pas refait. Peut-être. Après, c'était une erreur humaine, on n'a pas eu l'explication. Non. Et Mekies n'a pas parlé non plus. Donc, parce que s'il y a vraiment eu deux fois une erreur de 10 secondes, je pense qu'il aurait tapé du point. Mais, Ouais, je sais pas, la deuxième fois, c'est bizarre parce qu'au final, il n'y a pas eu de pénalité. Et on sait très bien que s'il y avait eu un truc, Aston Martin aurait sûrement porté recours. Donc, par principe. donc voilà. Ah, c'est l'an prochain. C'est vrai. Mais oui, après, les mécaniciens s'entraînent forcément. Et les voitures, effectivement, sont transportées dans des espèces de fly case où, en gros, il y a des roues qui sont mises sur le fly case. Et puis, les voitures, il y a juste la coque avec un peu de carrosserie, mais c'est assez limité. Donc, ils les montent et démontent tout le temps. Puis, dans le week-end, il y a des montages, démontages aussi. Hein. On voit souvent quand les séances commencent, il y a la moitié de la voiture qui est. Enfin, pas commence, mais quand ils préparent les séances, il y a la moitié de la voiture qui est démontée. Donc, ils ont l'habitude, en fait, de tout ça. Après, il y a des pré-montages et les pré-démontages pour aller plus. Oui, elle est très démontée le jeudi. Elle est pas pré-démontée, très démontée le jeudi. Et elle est assez démontée aussi, je pense, entre vendredi et le samedi. pour mettre les moteurs neufs, les boîtes neuves, enfin voilà, les boîtes destinées en tout cas à la qualification et à la course. Donc ça, ils savent faire de manière assez rapide. Exactement. Donc voilà, en tout cas, beau week-end de Sauber et surtout des mécanos qui sont récompensés avec 2 points au moins. On va passer à Alpine. Alors on en parle tôt, hein, c'est vrai que on en parle rarement aussitôt. Avec un week-end première classe de Pierre Gasly qui a été absolument irréprochable tout le week-end. Très rapide sur les séances sur un tour, très rapide lors du sprint, ouais. Puisqu'il finit 8e, il marque un point. Alors c'est son premier point, le premier point d'Alpine depuis la Belgique, et c'était sa première Q3 depuis Silverstone. Donc pour vous dire un peu à quel point c'était compliqué, et donc du coup bah forcément il a dit que c'était content. Franck Test, je vous demande Franck Test, c'est quelle couleur le bandeau? Ah oui, bah là c'est difficile, ça devrait être bleu et rose, mais il met que rose alors. Alors on a déjà assez de bleu. Ouais, non, non, je laisse Alex parler d'Alpine en premier, parce que lui il a dû déboucher ses meilleures bouteilles de champagne. Hein. 2 points, ouais. Là, alors ce qui m'a étonné, c'est qu'ils savent pas vraiment pourquoi. Oui. Donc c'est ça peut-être ce qui est quand même inquiétant. Non mais magnifique, magnifique pour Gasly qui a quand même bien dominé Colapinto, alors que Colapinto ces derniers temps était plutôt aussi en forme que lui. Donc là il s'est quand même craché. D'ailleurs c'était assez ironique parce que Briatore en le prolongeant, c'était le Grand Prix où il a annoncé la prolongation de Colapinto, bon qui est mérité, hein, mais il a dit voilà ça fait longtemps que c'est pas craché, boum. Oui. Mais bon, il s'est craché. Il a peut-être mal compris la phrase de Briatore. Il a cru que c'était un encouragement. Non, après, il s'est craché 4 fois de moins que le même week-end de l'an dernier. C'est vrai. C'est pas faux. Non, mais un grand prix extraordinaire de tout le week-end là. De Gasly. On ne sait pas trop pourquoi. Les températures, on ne sait pas. Comme Red Bull qui n'a pas réussi à trouver les bons réglages tout de suite, Alpine a peut-être le bon réglage qui va bien tout de suite. Mais beaucoup plus tôt pour le coup, parce que ouais, SQ3, c'est ça. Quoi. Et donc un point alors à l'arrache, hein, alors qu'il a fait une course extraordinaire. Tout juste un point, hein. Bon, ça en dit long quand même sur le niveau de cette Alpine-là. Colapinto a quand même fini pas trop trop loin derrière. Hein, non. Je crois 3-4 secondes du peloton. Donc c'est assez... Je ne sais pas si c'est encourageant, parce que comme ils ne savent pas toujours pourquoi... Oui, ça risque de repartir rapidement en fond de peloton, quoi. Oui. C'est ça le risque. Mais bon, sur un circuit où le moteur compte beaucoup, suis Morga, voilà, c'est... Il n'y a pas eu de double podium, mais on le rappelle, même avec un double podium, Alpine serait restée dernière. Ouais, il fallait un doublé pour qu'il passe, devant. Mais en fait, voilà, ils ont rattrapé un point sur Williams et Aston. Voilà. Sinon, ils ont perdu des points sur tout le monde. Et sur Ferrari. Non, parce qu'Aston a marqué 3 et Gasly en a marqué 2. Ah oui, 2. Au sprint, c'est vrai. Je sais pas si Franck a volontairement évité ta blague ou si c'est juste qu'il était en train de réfléchir à son calcul. Mais... Oh non, il a raison. Non, je réfléchis à mon calcul, j'ai pas entendu ta blague. Il a dit qu'Alpine avait repris des points à Ferrari. Ça joue. Ouais. Ils sont quand même à 40 points de couvert. Si de couvert. Hein. Oui, ça, ils sont toujours restés au même écart avec Sauber. Après, si tu essaies de défendre Ferrari, Franck, de toute façon, le PDG va dire tu parles trop, donc ça sert à rien. alors, Guigui demande celui qui trouve pourquoi Colapinto prolonge, je lui envoie du champagne. Alors, moi, je veux bien le champagne non, parce que. Non, moi, je veux bien le champagne parce que qui tu mets à la place ouais, pourquoi ne pas prolonger? Moi, la question, alors, c'est. Alors, il voulait Pérez et Bottas, déjà, il faut commencer par ça. Voilà. Nielsen a été hyper honnête. Oui. Le fait qu'ils ont considéré tout le monde. Voilà. Voilà. Il nous dit on a prolongé par défaut, ce qui est le c'est ça, oui, c'est un peu ça. Après le refus Nelson Piquet Jr, on a décidé de prolonger Colapinto. Et Briatore aussi, il n'y avait pas d'alternative en fait. Et à part évidemment aller chercher un Mick Schumacher qui est pourtant dans leur rang, ils n'ont pas voulu. C'était le meilleur plan F, quoi. C'était le meilleur, voilà, c'est le meilleur plan. Après, voilà, et honnêtement, sur ces derniers Grands Prix où il était à peu près au niveau de Pierre Gasly. Plus, faut pas le nier, ils l'ont dit, hein, il y a aussi l'aspect financier derrière. Hein, Mercado Libre, ils mettent un gros paquet de sous et Briatore, il a quand même payé 20 millions à peu près. Non, mais déjà, il l'a payé 20 millions, donc autant l'utiliser. Et puis, il s'améliore ces dernières. Voilà, excusez-moi, mais Colapinto, c'est pas un mauvais pilote. Encore une fois, on parle d'un mec qui, l'an dernier, débarque en plein milieu de saison chez Williams, qui se met quasiment au niveau d'Albon sur certains Grands Prix. Et là, il arrive chez Alpine, encore une fois, on le fait débuter au bout de la 6e course. Ce qui est quand même pas fou parce que pour la préparation c'est compliqué. Directement son PDG lui dit t'as 5 courses, en fait t'as peut-être un peu plus mais on sait pas, etc. Et Le mec, quand même, remonte et, arrive à un moment à battre Gasly. Donc, Colapinto, c'est pas un manche. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas non plus arrêter de dire oui, il fait rien. Encore une fois, on lui file la pire voiture du plateau aux côtés d'un très bon pilote et on dit oh, quand même, il est pas très bon. Bah, excusez-moi, si Colapinto se fait virer, je pense qu'on peut virer quelques pilotes dans d'autres équipes. Et je pense que son remplaçant n'aurait pas été au moins un. un demi, pardon. Donc non, Colapinto, il est, et en plus de ça, c'est un bon choix financier parce que oui, effectivement, il a du soutien. Ouais. Briatore a misé gros dessus parce qu'il a coûté cher. Bah oui, utilisons-le. Enfin, moi, je trouve là pour le coup, on a beaucoup critiqué Briatore pour la gestion, mais virer un pilote après trois quarts de saison alors qu'il a mis 20 millions dedans, ce serait vraiment con. Donc surtout que le pilote est bon. Le seul alternatif, c'est Aaron, qui est pas non plus, qui a pas non plus montré être le pilote du siècle en F2. Ah, exactement. Et ça reste une énigme pour la F1. Hein, et ça reste un pilote sans expérience qui repartirait sur une année où il y a besoin d'un pilote qui a déjà roulé. Donc non, il y a zéro. À la limite, ouais, moi, le seul what if que j'aurais mis, c'est si on avait mis Mick Schumacher à la place. Mais aujourd'hui, Mick Schumacher, on n'aura jamais la réponse à son vrai niveau. Puisqu'il Pérez ou Bottas, mais qui ont refusé. Voilà. Ouais. Perez ou Bottas, oui, ça s'entendait, mais ils veulent pas. Donc, ils ont préféré Cadillac entre eux. Après, on aurait essayé d'aller choper un Alex Palou, par exemple. Ça aurait été sympa aussi. Mais bon, je suis pas sûr que Palou il a envie de quitter sa position d'IndyCar pour une équipe peut-être championne du monde en 2027, en 2028. Oui, je pense qu'il faut relativiser énormément l'écart entre. Enfin, il faut prendre conscience de l'écart entre IndyCar et Formule aujourd'hui. Et Palou est un excellent pilote. Je sais pas si en F1 ça ferait quelque chose de suffisant. Hein. Je suis pas convaincu. Encore une fois, en IndyCar, on a vu un Marcus Ericsson gagner des courses, dont l'Indy 500. Marcus Ericsson, c'était pas non plus la folie en F1. Donc, je pense qu'il est surtout avec le niveau du plateau qu'on a aujourd'hui, à mon avis, ce serait pas un miracle, Palou. Hein. Si tout le monde a dit finalement non, c'est pas, à mon avis, c'est pas un hasard. On nous pose la question dans Lambo Diablo qui dit est-ce que Flavio a des frustrations autres que des finances? Bah, malheureusement, vu qu'Alpine est une équipe que gérée un peu au jour le jour avec le sous. Avec le soutien qu'on connaît de Renault, hein. C'est un soutien public, mais en termes de finances, c'est pas vraiment ça. Sinon, ça fait longtemps qu'on a eu un moteur Renault hyper performant où il y a eu trois fois plus d'investissement, c'est-à-dire au niveau de ceux de Mercedes ou autre. Évidemment que Briatore, il est obligé de faire avec les finances. Il est obligé de rendre une équipe saine, qui a des investisseurs en plus étrangers, hein, 24% avec autre capital. Malheureusement, c'est une équipe qui aujourd'hui est presque un peu en avance sur son temps par rapport aux autres. Qui sont rentrés dans l'ère de la rentabilité financière de la F1, de Liberty Media, où effectivement l'écurie se doit d'être aujourd'hui une opération rentable financièrement. Non, je ne suis pas d'accord. La F1 est devenue rentable par définition avec les budgets plafonnés. Oui. Justement, il y a tort qui est coincé dans l'ère d'avant. Mais mais il est quand même obligé de rentrer de l'argent, il est quand même obligé de faire un budget à l'équilibre ou légèrement positif, ce qui est le cas par rapport aux autres équipes. Donc il y a d'autres équipes qui ont perdu encore de l'argent, comme Williams ou autres, Alpine, Renault, ça fait plusieurs fois qu'ils concluent l'équilibre. C'est-à-dire que tu peux de moins en moins avoir une vision comptable de la F1, ça marche plus parce que, encore une fois, voilà. Mais le problème, c'est qu'ils doivent verser des dividendes, à mon avis, ou autre chose derrière, qui font que. Voilà, c'est malheureusement pas encore le. Voilà, il faut rendre l'équipe la plus saine possible, peut-être pour une revente plus tard, hein, potentielle. Parce qu'à mon avis, avec Renault, il faut toujours s'attendre au pire avec Renault. Il faut toujours s'attendre au pire. C'est ce que disait Alain Prost dans le documentaire sur Canal. Renault, ils m'ont toujours trahi. Voilà. Donc, obligatoirement, Briatore ne peut pas prendre trop de risques. Luca De Meo n'a qu'à sponsoriser Renault maintenant qu'il est chez Kering. Ça ferait un bon partenariat. Bon, écoute, on a qu'à aller chercher Franck Provost plutôt. Le frère de François. Je pense qu'il est de mèche avec Briatore, du coup. Tout à fait. Une affaire à tirer par les cheveux, tout ça. C'est vrai. Mais ça nous permet de remonter à la racine du problème. C'est pas moi qui pourrais vous soutenir sur ce coup-là. Bon, un petit hommage à Truman Show, du coup, dans le chat. On a John Smith qui dit ça s'est dégradé, Otago qui dit arrêtez les coupes sur les budgets, donc je suis et Truman Show qui dit qu'il est de mèche avec Briatore. Donc vraiment, merci au chat de nous suivre sur nos conneries, c'est toujours agréable. Donc ouais, il faut nous suivre et sur Twitch et sur YouTube et en podcast. C'est ça. Voilà. John Smith dit qu'une frange du chat n'est pas d'accord. Totalité de l'expérience, on va dire. Bientôt en IMAX en 4D dans toute vos salles. Ah oui, j'ai hâte d'avoir mon crâne qui s'adapterait parfaitement à un écran IMAX. L'aéro du crâne. Donc voilà, c'est très populaire. Oui, et Otago a dit il faudra t'y faire. Et Zoan s'est dit c'est hâtif. Bon. On va pas tarder à avoir fait le tour, je pense. Truman Show fait un cheveu de vous coller à un procès. Je suis obligé de répéter les blagues parce qu'il y a des gens qui nous écouteront en podcast qui n'ont pas le chat. Donc du coup, Mark Weber, Mark Weber. Bah, ça incitera à venir nous suivre en direct le lundi soir. La blague du contexte d'Annie est incroyable. Ah, très bon, le Mark Weber. Luc Schumacher. Charles Leclerc, ça marche aussi. Aussi. Bon, du coup, on va essayer de rebondir sur tout ça. On va passer chez Williams. Avec mais vous oubliez pas une équipe à la force, là, zut, moi, j'attends, moi. Ah oui, alors. T'inquiète pas, Franck, on n'a pas oublié, hein, c'est, ça arrive. Voilà, non, je dis, zut, il y a une bug dans la programmation, là, quand même. Ça... Non. Ah, on voit le beau bandeau vert de Williams. C'est ça, magnifique vert pomme. Couleur sober, d'ailleurs. Donc, je suis un peu habillé en Williams aussi, cela dit. Oui, c'est vrai. Effectivement, Williams, qu'il y avait une livrée Gulf. Alors, j'ai vu Xoran qui me demandait si j'étais pas un peu. Si la livrée Gulf m'avait plu par rapport au fait qu'il y avait une belle livrée il y a quelques temps à Austin. Bon, la livrée Gulf était pas mal, mais c'était une livrée Gulf. Le problème, c'est que je trouve que sous la grisaille de Interlagos, on aurait dit une Alpine de loin, et ça me posait un peu problème. Oui, c'est vrai. C'était le même enfin, découpage. Ce qui est étonnant, c'est que les gens te demandent ton avis sur des livrées après ce que tu as dit sur la livrée. Parce que c'est pour savoir, tu vois, est-ce qu'elle est fréquentable ou pas. C'est moi, si je dis qu'une livrée est cool, généralement, c'est que. Les gens n'aiment pas trop. L'inverse. Un Manu a dit qu'elle était superbe. Ah, elle est dégueulasse. Manu, c'est le genre de mec qui soit pas du bon côté sur Tinder. Non, mais c'est vrai que bon, moi j'ai pas détesté, mais les gens ont pas trop aimé le fait qu'il y ait du bleu Williams sur les pontons. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que moi ça donnait un peu d'identité de l'équipe qui plus restait. Plus réussi que celle de l'an dernier en tout cas, mais bon, oui. C'est vrai qu'au soleil ça aurait été mieux. Oui, c'est, du coup, c'était quoi? On l'a vu quand au soleil? Une heure, je crois, peut-être tout cassé le vendredi. Oui, c'est beau le vendredi, oui, c'est ça. Voilà. Ouais, sinon c'était un peu gris. Cela dit, on devait avoir un cyclone. Bon, il y a eu des gros dégâts, mais à 600 km. C'est ça. C'est, et quand on voit ce qu'il y a eu, je pense que si c'était passé sur Interlagos, à mon avis, on n'aurait pas eu de Grand Prix. Bon, Williams, il n'y a pas grand chose à dire. Le week-end a été assez discret. Hein. Albon 11e, ouais. Sainz 13e. On les a pas trop vus. C'est dans le ventre mou du peloton tout le week-end, en fait. Donc voilà, c'est pas terrible. Albon a quand même fait un meilleur week-end. Il était dans la lutte pour le peloton, mais c'était peut-être la voiture la plus faible des voitures en lutte pour les points. Voilà. C'est sinon, ça. Il s'est quand même ressaisi alors que ses précédents Grands Prix avaient été vraiment un peu inquiétants. Donc de ce côté-là, il y avait du mieux, mais la Williams n'évolue plus et donc ça se voit. Hein. Et c'est pas très grave, hein, ça dit, parce qu'ils ont 111 points et Racing Bull est à 82. Donc, ah oui, non, mais eux, ils ont très bien géré leur saison. Hein. Honnêtement, et ça, ils avaient prévu d'être dans le dur en fin de saison parce que justement, ils n'ont pas fait voler la voiture que depuis le printemps. Donc forcément. C'est cool de voir qu'Albon, il y a presque autant d'écart entre Albon et Antonelli qu'Albon et Hülkenberg. Pardon. Et Albon a vraiment scoré comme un malade, notamment la première moitié de saison. Hein. Ouais. Bah, et Albon fait un nombre de top 5 en début de saison qui est assez incroyable, top 6, quoi. Mais effectivement, ils avaient prévu qu'en fin de saison, ils ne seraient pas là, mais parce que eux, c'était le choix assumé. Tout se déroule selon le plan. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est logique. Et pendant ce temps-là, il faut oublier que eux, ça fait déjà 7 mois qu'ils travaillent sur la voiture de 2026. Donc, ça fait énormément. Tu l'as pas là en miniature, la Williams 2021? Bien sûr que si. Évidemment que je l'ai, la Williams 2021 en miniature. Elle est très jolie. Et voilà, mais moi, pas grand chose de plus à dire sur Williams. Si, à part Carlos Sainz qui a fait un attentat sur la sainte Ferrari de Lewis Hamilton. J'ai rien de plus à dire. C'est vrai que c'était un peu brutal. Ouais. Bon, on sait pas si c'est d'ailleurs ça qui lui a coûté des points à Hamilton. On en parlera au moment de Ferrari. Je sais pas ce que Ferrari. Il a eu des dégâts, Sainz aussi brouillon au départ du sprint. Hein, oui, crois. C'est ça, ouais. Non, c'est ça. Sainz un peu brouillon, trop, effectivement. Trop brouillon. Zoran se dit montre la Williams 2021 pour le podcast. Alors déjà pour le podcast non, mais surtout même je peux pas la montrer parce qu'elle est sous une colonne de 5 voitures, donc je vais pas faire du déménagement maintenant. Donc voilà. Mais oui, effectivement, c'est vrai que Sainz c'était un petit peu bon. Après c'était un peu un incident de course selon moi, l'accrochage avec Hamilton, mais bon, c'était pas un super week-end pour Williams. Mais effectivement, je pense que pour eux ça ira pas beaucoup mieux jusqu'à la fin de saison, mais normalement ça devrait payer l'an prochain. On passe à Aston Ferrari. Martin. Oh. Toujours pas. Tu es impatient. On garde les meilleurs pour la fin. Ah. Oui, Je préfère quand tu dis ça. Oui. voilà, Alonso termine 14e, Stroll 16e. Alors le problème pour eux, c'est que le vendredi a été, le sprint aurait été bon. Mais effectivement, il y a eu un gros recul au moment où tout le monde a refait ses réglages et où là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est dommage, le début de week-end était bon. Ils se qualifient 5e et 7e au sprint. Et puis derrière, ça recule, quoi. Donc forcément, c'est un peu. La course a été compliquée. Ça fait quand même quelques points, mais je pense que là, effectivement, maintenant, la priorité va être d'essayer de défendre la 7e place plutôt que de retourner chercher la 6e, vu que c'est quand même globalement une des équipes les plus faibles du peloton également en cette fin de saison. Plus faible que Williams. Puis bon, après, le problème de la stade, c'est clairement la vitesse de pointe aussi. Autant sur un sprint de 24 tours, je crois, sur une course de 71 tours, vous avez effectivement beaucoup plus de DRS, choses comme ça, et ça recule quand même un peu plus difficilement. En Mais tout cas, c'est. et pour attaquer, c'est quand même beaucoup plus difficile pour. Oui, Alonso, même DRS ouvert, avait du mal à résister des fois. Donc, Mais c'est fou quand. C'est là où on voit la force des réglages, hein, Oui, parce c'est que ça. Ouais. Aston, qui était vraiment. C'était vraiment l'équipe la plus en forme en qualif, quoi. En qualif sprint, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, quoi? Ils vont faire un top 5. Et puis après, hop, ça a descendu. Vraiment, ça se joue à rien. Ça se joue à des détails, ça se joue à des réglages. Et on l'a vu vraiment avec Aston. Faut réussir à être rapide à Interlagos en qualif sprint avec peu d'aileron en fait. Donc c'est ça qui est compliqué quoi. Et ce qui était fou, c'est que en plus, cette qualif là où les pilotes avaient du mal à mettre la voiture dans la bonne fenêtre et tout, on a vraiment vu une hiérarchie. Enfin, on n'était pas loin d'avoir une Haas dans le top 3, on avait une Sauber qui était bien placée et tout, c'était assez étonnant. Enfin, on sent que les écarts sont serrés. Ça me rappelle un peu certains Grands Prix de 2020-2021 où on avait des fois des hiérarchies un peu improbables. Et c'est toujours le truc sympa avec les fins de réglementation, généralement où les écarts sont très serrés. C'est ça. Oui. Sauf que ton prochain sera pas la même quoi qu'il arrive. Oui, parce que quand vous aurez la Ferrari 3 secondes devant les autres, vous pleurerez. Eh ben écoute, je propose qu'on puisse faire la transition pour parler de Ferrari. Puisqu'en attendant d'être 3 secondes Ah. devant les autres, ils étaient 71 tours derrière tout le monde. Donc, Bon, pas 71, un peu Non, pas moins. 71. Pour Hamilton, ouais, c'était Non, effectivement, ça a été alors un week-end un peu décevant pour Ferrari. Parce qu'encore une fois, le vendredi, le problème, c'est que pendant la séance d'essai libre, comment dire, les simulations donnaient des très très bons rythmes de course. Et ça, c'est vrai que c'était la grosse déception de la suite du week-end, c'est que finalement, ils n'étaient pas au niveau qu'on pensait, alors que les week-ends, le rythme de course avait l'air très bon. Le sprint est un peu décevant, parce que la qualification elle-même est décevante. Hamilton éliminé en SQ2, Charles Leclerc va en SQ3, mais c'était pas non plus une super qualif, 7e, je crois. Oui. Et puis, il fait une super 3e place pour la qualif de la course. Ça, c'est sûr qu'encore une fois, bravo à Leclerc d'être toujours là dès qu'il y a un résultat à aller chercher. Hamilton de nouveau éliminé en Q2. Avec pas trop le moral, on y reviendra. Et puis, la course, ça, ils sont fait victimiser par le peloton. Globalement, hein, les deux se sont fait accrocher. Hamilton s'est en plus lui accroché Colapinto, on y reviendra aussi. Donc, bien compliqué. Franck, je te laisse la parole du coup, puisque ça fait maintenant 1h42 qu'on est en live et du coup, je sais que tu attends ce Oui, j'ai rien moment dit en depuis tout plus. à l'heure. Je l'attends depuis tout à l'heure. Donc, je te laisse la parole déjà. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de toi? Comment tu vas après ce week-end de compétition? Et puis, comment Ferrari va aussi, avant qu'on vienne au propos du PDG. Week-end compliqué évidemment hein, pour Ferrari. Je pense que on attend. Bon, voilà, il fallait comme déjà taper sur les bons réglages le vendredi. C'était pas forcément le cas pour beaucoup d'équipes. Donc bon, que Ferrari se loupe un peu là-dessus, c'était pas forcément voilà, tout de suite l'alarme derrière. C'est vrai que la troisième place de Leclerc en qualif, ça va quand même beaucoup plus rassuré derrière. Après, bon, clairement, je pense que le pauvre Charles n'a vraiment rien à se reprocher, hein, voilà, puisque il est quand même dans le coup, il est quand même devant, et il se fait sortir, voilà, parce qu'Antonelli ne laisse pas assez de place à Piastri à l'intérieur. Non, c'est pas de la mauvaise foi. Attendez. Oh. Non mais à force de marteler un truc, on est toujours, ça finit par devenir vrai, donc. Bah écoutez, oui, mais tout à fait. Je prône la sincérité. Objectivement, je suis dans le juste. Objectivement, tout le monde a dit qu'Antonelli aurait pu laisser plus de place, et même Charles Leclerc dit qu'il aurait pu laisser plus de place. Voilà. Bon, après, voilà, il se passe ce qui se passe. Et malheureusement, Charles est la victime collatérale de cette petite accrochage entre la Mercedes et la McLaren. Et voilà, c'est fin de course. Vous avez des petits accros qui font rien, des gros accros qui font rien, et là vous avez un tout petit accro. quand même sur la Ferrari qui fait voilà qui nous envoie une suspension au pété, un pneu qui s'en va et fin de course pour lui alors qu'il était effectivement comme très bien placé à ce moment de la course hein, puisqu'il jouait quand même bah, le podium hein, clairement. Donc voilà, bon, on saura évidemment pas ce que ça aurait pu donner s'il avait pu aller au bout de la course. Donc ça c'est un peu compliqué. Et bon et derrière par contre Lewis Hamilton bon certes se prend un bon coup au départ par Carlos Sainz qui lui dit avoir été serré bref bon voilà sa voiture est un peu endommagée a priori je pense par rapport à ça donc il a perdu des points d'appui au niveau de son fond plat et par contre bon, il fait une grosse erreur de débutant qui est vraiment pour moi impardonnable c'est quand effectivement il va au moment d'aller dépasser Colapinto voilà, il jauge mal le moment où il faut qu'il se décale pour voilà pour profiter de l'aspiration maximum mais il se décale un poil trop tard il va taper un peu dans le pneu arrière de Colapinto qui heureusement ne souffre de rien mais bon pour Hamilton du coup c'est son aileron avant qui s'en va donc bah, voilà course très compliquée pour Hamilton qui déjà se plaignait voilà, effectivement depuis avoir trop de non pardon il se plaignait pas encore. Parce que du coup, Vasseur nous a dit qu'on ne sait pas où est-ce que exactement Hamilton a subi ses dégâts. Et bon, 30 à 40 points d'appui aéro en moins, c'était énorme. Et le problème d'Hamilton, c'est qu'il lui voulait abandonner. Mais comme il savait qu'il y avait très probablement une pénalité qui pouvait tomber pour lui par rapport à ce qu'il a fait à Colapinto, bah, ils ont été obligés de le laisser en piste bah, jusqu'à ce que la pénalité de 5 secondes tombe, lui faire purger et le faire abandonner après. Le problème, c'est qu'il a abandonné au bout de une trentaine de tours, non? 30 ou 40 tours, je sais pas exactement. Ouais, Il a fait. 30, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est autant de tours sur le moteur qui aurait pu être économisé pour la fin de la saison. 37. 30, ah oui, c'est ça, voilà. 30-40 tours, c'est bien ça. Donc, 30-40 points d'appui, 30-40 tours pour rien. Tout ça va à peu près ensemble. Et du coup, voilà, pour pas purger de pénalité sur la grille, je profite pour ceux qui connaissent pas forcément les arcanes du règlement. C'est que si vous purgez pas une pénalité en course, alors que vous auriez pu le faire, ça se transforme en pénalité sur la grille pour le Grand Prix suivant. Donc, voilà, il fallait absolument, bah, du coup, maintenir Hamilton. T'as 5 secondes, ça aurait été 3 places. Voilà, donc le week-end vraiment, bah, oublié, c'est encore un week-end où les deux Ferrari ne marquent pas, c'était déjà arrivé. Troisième. Oui, c'est encore, oui, ce que je dis, encore un week-end, du coup c'est le troisième de la saison. Parce qu'il y a la disqualification. Il y avait aussi le double abandon, effectivement, à Zandvoort. Donc, La disqualification. Donc ça coûte cher au championnat. Alors peut-être que la seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, si ils sont quatrième et qu'ils restent quatrième, bah, ça fait des points de développement en Ouais. plus pour l'année prochaine, mais pff, bon, voilà, c'est. Après, j'ai envie de dire, Ferrari finir deuxième championnat constructeur, presque, j'ai envie de dire, c'est pas mérité, dans le sens où Verstappen et Red Bull ont fait des coups d'éclat, que Mercedes a aussi fait des coups d'éclat. Chez Pas de victoire. Ferrari, je suis désolé, j'ai pas vu de coups d'éclat cette année. Donc pour moi, presque, ce serait logique qu'ils finissent un petit peu à cette place de quatrième. C'est un Ferrariste qui vous dit ça, hein, qui vous dit que ce Ouais, serait. bah, il y a eu le Hamilton au sprint à C'est Shanghai, ça, mais à part c'est ça. ça. Exactement. Quelques podiums, si, comme série de podiums de Leclerc qui tient un peu à bout de bras ce qu'il faut, mais quand vous C'était voyez qu'un terne. Verstappen quasi tout seul vous fait autant de points, voire maintenant même plus de points quasiment que Ferrari, vous dites, je suis désolé, moi-même en tant que Ferrari, je ne trouve pas normal qu'ils finissent deuxième championnat parce que Mercedes a signé beaucoup d'éclats, a signé des victoires. Ouais. Verstappen et Red Bull ont signé des victoires et aussi, évidemment, et des pôles. Bon, certes, il y a eu des pots aussi pour Ferrari, mais à part ça, je veux dire, c'est extrêmement maigre. Ouais, c'est Donc, pas bon hein, par rapport à l'an dernier. mais Vasseur préfère. Vasseur a une très bonne vision, parce qu'il préfère voir le positif. Je pense qu'il a une très Mais il bonne a dit, et même là, vision. Oui, lui il a a eu du mal dit, quand même. même lui a Ouais. dit, il n'y a pas beaucoup à voir. Alors, effectivement, Franck, tu vas me dire ce que tu en penses. Otago propose un plan à 100 courses pour remédier à tout ça. Non! Non, non. Non, non, non. Je... Non? C'est une bonne idée. Mais alors, moi je voulais commenter. Avec Laurent Rossi, qui se Attends, là, l'avenir, Laurent Rossi. le plan, Ils l'ont déjà, le leur plan, Laurent là, il est à Rossi. 4 courses maximum pour moi, les gars. Ah oui, ça a très bien Ah démarré oui, les il est 26, sinon 26. c'est pas possible, quoi. Là, pour le coup, Ah oui, avec les attention propos. à Vasseur, on le dit, le Vasseur, au soutien, on l'aime beaucoup, mais si Ferrari se foire l'an prochain, c'est Vasseur qui va, Ouais, et c'est ce sera trop logique, tard, je qui pense. dégage. C'est du coup la transition parfaite avec les propos de John Elkann J'avais sortis juste absolument nulle part. Ah, un pardon. petit commentaire sur le déjà sur Rien n'est le la transition parfaite. Ouais, je sais. J'y reviendrai. Non, mais en fait, oui, déjà sur l'accident de Leclerc, je suis impressionné de la solidité de la Mercedes qui quand même met Ouais. une boîte à la Ferrari. Je pensais que ça allait casser quelque chose, non. Et l'accident d'Hamilton avec Colapinto, c'est malheureusement un copier-coller de ce que Raikkonen avait fait au Portugal 2021. Il avait percuté une voiture et je ne peux pas m'empêcher d'y voir le déclin d'Hamilton. Alors j'espère que ça va encore une fois. Hein, il est dans le dur et tout ça. Il vit une saison catastrophique. Il l'a redit ce week-end. Il dit qu'il n'a pas le moral et tout ça. J'espère que l'an prochain ça ira mieux. Mais j'ai quand même du mal à penser que enfin, sauf si vraiment la voiture lui convient parfaitement l'an prochain et que vraiment il a un regain de forme. J'y vois quand même un peu de nouveau un signe de déclin d'Hamilton où en fait il est même dans le peloton là il est pas trop là à ce qu'il fait. Alors j'imagine que la voiture elle est pas bien, qu'il est en train de brasser des trucs et tout ça, mais je trouve que ouais, on voit un Hamilton qui fait des erreurs qu'il n'aurait jamais fait avant. Et je pense que c'est tout à son honneur d'avoir voulu relever le défi Ferrari, mais j'ai peur que ce soit le défi de trop. Lord Phoenix dit saison de trop, Parle trop. on n'est pas encore là, mais effectivement, ça pourrait s'avérer un peu compliqué. Surtout qu'effectivement, il parle trop, et là on en vient, puisque Ferrari pourrait faire un plan à la Alpine, puisqu'ils ont déjà leur propre Laurent Rossi, John Elkann. Alors moi je vais faire un petit topo, puis après je vous laisse messieurs dire ce que vous avez pas à dire, mais fais le topo. John Elkann, donc qui est de la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari, donc PDG, enfin qui est donc arrivé au poste de PDG de manière totalement méritée, hein, sans aucun coup de pouce de la vie, donne des leçons à toute l'équipe en disant que vous avez vu en WEC, l'équipe est restée unie, on a été champion du monde. Alors apparemment, John Elkann ne sait pas qu'en WEC, il y a une balance de performance qui a permis à Ferrari de dominer le début de saison sans avoir autant d'avance, je pense, que ce qu'ils avaient réellement sur la piste. Et en F1, on n'est pas unis. Alors j'imagine qu'il y a eu un ou deux commentaires qu'il n'a pas apprécié de la part des pilotes. Et il a dit quand même que Charles Leclerc et Lewis Hamilton devraient moins parler et plus se concentrer et piloter. Donc, un management comme on l'aime, hein, on adore ça, nous, vous savez, dans l'émission, on a beaucoup d'exemples avec Alpine de management toxique. Nous, on adore ça, hein, on sait qu'on aime bien la valeur travail et ainsi que surtout bien essorer les gens qui sont déjà bien au bout du rouleau. Et donc là, vraiment, John Elkann fait un commentaire qui, pour moi, il a de la chance que Hamilton soit un peu dans le dur et que Leclerc soit un peu trop gentil. Parce que je pense qu'il aurait fait ça. Il aurait fait ça à l'époque. Surtout qu'ils étaient un petit peu loin aussi au Brésil, hein, et pas à côté de lui. Parce que... et parce qu'il aurait fait ça à l'époque Schumacher, je pense que ça finissait en rendez-vous 15 minutes plus tard dans le bureau avec un Schumacher qui lui aurait remis les pendules à l'heure. Franchement, je suis outré. Je suis outré. Messieurs, je vais vous laisser la parole. Franck, je vais te laisser d'abord parce que je sais que c'est Ferrari, je veux ton avis. Mais je suis outré, moi, ce commentaire personnellement. Non, non, de je suis John totalement outré aussi. Il est absolument incompréhensible. Il sort de je ne sais où, ce commentaire. Une balance de performance en F1, ça n'existe pas, évidemment. La seule balance de performance qui marcherait en F1, ce serait de faire tourner Max Verstappen entre les 11 équipes l'année prochaine. Voilà, c'est le petit mot rigolo juste pour ça. Mais sinon, pour le commentaire d'Elkan, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Parce que justement, Leclerc n'a cessé, en tout cas, de répéter qu'il avait à cœur de faire réussir ce projet avec Ferrari. Je veux dire, il a quand même très rarement critiqué l'équipe, en tout cas pas de manière aussi vindicative que peut le faire des fois un Max Verstappen ou d'autres, voilà, ou qui sont parfois extrêmement durs. Ils ont toujours été au soutien de Vasseur, ils ont toujours été au soutien de tout ça. C'est vrai qu'Hamilton, il est peut-être un peu plus dans le côté émotif, dans le penchant, des fois un peu philosophique aussi sur ce qu'il ressent, sur le côté cauchemar, voilà, c'est le mot qu'il utilisait effectivement. C'est peut-être ce mot-là qui a fait réagir Elkan. Enfin, je ne vois pas quel autre mot récent a pu faire réagir Elkan pour dire que les pilotes devraient se contenter de piloter et de moins parler. Parce que honnêtement, j'ai quand même trouvé les deux assez résilients face à la shitbox qu'elle nous a sorti Ferrari cette année. Ben voilà, Ouais. je sors ce mot-là parce que clairement on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Et quand j'entends dire ensuite Elkan que tout le monde travaille, même les mécaniciens travaillent, les ingénieurs travaillent, excuse-moi, j'ai quand même plus un doute sur la capacité des ingénieurs à avoir sorti une bonne voiture cette année qu'au pilote n'avoir pas su piloter. Totalement. Et je pense que là, il y a 99,98% des gens qui seront d'accord avec moi. Je pense que même tous les fans de F1, de Ferrari, vraiment pas compris d'où sortaient ces commentaires-là. Au moment en plus où on a enfin calmé les rumeurs sur Vasseur, son leadership et tout ça, en disant qu'il y avait le soutien, qu'il fallait soutenir et tout ça, que Ouais. même Elkan avait mis des propos. Voilà, ça, c'est le genre de propos qui vont alimenter la presse italienne de Ah bah. nouveau, la relancer la machine, alors qu'on avait encore eu des rumeurs ou enfin, des spéculations sur un deuxième rendez-vous avec Christian Horner. Après le mois de juillet, bon bah voilà, Horner lui souhaite avoir plus qu'une direction d'une équipe, il souhaite avoir un rôle plus actionnarial, voilà, un peu de recul dans une équipe, donc ça ne correspondra pas pour lui. Mais quand vous sortez ce genre de propos, alors certes le Grand Prix a été médiocre et tout le monde en a conscience, mais honnêtement, Leclerc il n'a pas fini à 14e place quoi, il a juste fait sortir, il n'est même pas Mais par sa c'est faute, ça, il était dans le top voilà. 3. C'est ça, exactement. Donc pour moi c'est voilà, bon certes Hamilton effectivement peut-être a critiqué quelqu'un, j'aurais peut-être critiqué juste Hamilton. Mais ça aurait peut-être été mérité. mais pas le duo comme ça, et dire à côté de ça que les mécanos, alors les mécanos, j'ai rien à dire, ils font du bon travail, cette année c'est parfait, les stands c'est parfait, il n'y a rien à dire. L'opérationnel ça a été un peu plus délicat, mais les pilotes ont remis un peu les points sur les i sur la manière de vouloir, comment ils voulaient exécuter notamment la qualification, et depuis ça se passe beaucoup mieux, mais les ingénieurs, je suis désolé, ils n'ont rien prouvé du tout sur la qualité de la bagnole, ah ouais, clairement. Voilà, donc c'était mon coup de gueule face à Elkan. C'est Elkan qui parle trop, hein. C'est lui qui là, parle. Oui. Ah bah oui. Sortie non nécessaire. Ah bah en plus, il faudrait voir le contexte de la déclaration, comment il a sorti sur. Parce ouais, que je serais curieux de ça savoir ce qu'il y paraît a, ce qu'il y a d'autre, tellement mais lunaire. ouais, ça veut dire ça a été repris tel quel et c'est vrai que c'est assez terrible. Et en plus, Peut-être qu'il va s'excuser, je sais pas, hein. oh, je pense pas. Alors là, C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Non, non, non. En plus, Elkan, il est quand même, c'est un peu le PDG du genre. Lui, il est content qu'il ait enfin, tu vois, des bons résultats, chiffres et tout ça. Il réfléchira pas. Là, la dernière fois, il a soutenu Vasseur parce que c'était dans l'air du temps, mais non, non, je pense qu'il va pas du tout. Il changera, il reviendra pas sur ses propos. Mais voilà, mais en fait, le problème de Elkan, c'est qu'il nous montre en plus dans son commentaire qu'il ne connaît pas le sport mécanique. Littéralement, il connaît rien. Parce que les pilotes sont hyper impliqués. Leclerc vit pour Ferrari, quelqu'un l'a dit dans le chat, et c'est vrai. Leclerc, depuis toujours, il a la Ferrari Driver Academy, il vit pour Ferrari. Et encore une fois, Leclerc, faut pas oublier quand même qu'on est sur un des top 5 du plateau, peut-être même top 3 par moment, et que c'est un mec qui, depuis 2019, bouffe son pain noir avec des voitures qui sont pas bonnes, ou pas assez bonnes. Et il fait des pôles, il fait des podiums, il fait des victoires, alors qu'il a vraiment pas la voiture pour. 2022, il essaye de jouer le titre, c'est Ferrari qui lui met le tapis devant les pieds et il essaie de prendre dedans. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et il recrute Hamilton cette année pour dire. On recrute Hamilton parce qu'il veut aller chez Ferrari, mais il va falloir qu'il s'adapte. Et en plus de ça, Hamilton dit bah moi je viens pour essayer de faire fonctionner Ferrari. Et quand ils disent qu'il va pas, on lui dit qu'il parle trop. Donc en fait, bah, la prochaine fois, recruter des pilotes italiens qui rediront ce que la presse italienne va entendre en italien et tout le monde sera content. Mais en fait, il faut arrêter de dire que les pilotes font rien, c'est n'importe quoi. On a deux pilotes qui se déchirent. En plus, franchement, quand t'as le duo Leclerc-Hamilton et que tu leur ponds une bagnole pareille, t'as surtout pas à la ramener. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et moi, je suis outré de ces déclarations-là. Et effectivement, quelqu'un a évoqué un peu le truc d'Alpine qui voulait devenir le Ferrari à la française, mais là, c'est Ferrari qui devient un Alpine à l'italienne. Et c'est vraiment catastrophique, quoi. Pour moi, c'est... C'est n'importe quoi, et franchement, j'espère, et là, quitte à déclencher un vrai conflit populaire dans la presse, j'espère que Leclerc ou Hamilton vont lui en mettre plein la gueule par presse interposée. Et je pense pas que ça arrivera parce que les deux sont beaucoup trop matures pour ça, mais franchement, il y aurait très que ça, ou même que Vasseur prendra la parole pour le. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas oublier que dans les années 90, le PDG de Ferrari de l'époque, Luca di Montezemolo, a commencé à cracher sur Jean Todt gratuitement, et Schumacher lui a dit: je vous préviens, si vous touchez à Jean Todt, je me barre aussi. Et bah personne s'est barré. Et Ferrari était championne du monde 3 ans plus tard. Donc, au bout d'un moment, les pilotes et les directeurs ont aussi ce rôle-là de dire, là maintenant, la connerie du PDG, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une équipe de course qui fonctionne et que ça marche. Et bah, en fait, j'espère que ça va faire comme ça. Malheureusement, je pense que Vasseur, Leclerc et Hamilton sont trop intelligents pour ça. Et c'est bien dommage, parce que des fois, il faut rentrer un peu dans le jeu et taper du poing sur la table. Et parce que là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il dit ça. Mais on a vu avec Famin, on a vu avec Rossi, avec des gens comme ça, on a vu avec Briatore. On a vu avec Horner chez Red Bull, ces mecs qui, au bout d'un moment, ont une impunité à dire ce genre de conneries, vont revenir à la charge à un moment. Et si l'an prochain ça va pas, ils vont tous en prendre pour leur grade. Et gratuitement, en fait. Et après, ce sera peut-être les ingénieurs ou ce sera peut-être les stratèges qui vont aussi en prendre pour leur grade alors qu'ils n'ont rien fait. Et en fait, il faut que quelqu'un mette le haut là parce que Elkan ne connaît pas la compétition. Apparemment, il se pavane dans les paddocks un Grand Prix sur deux, mais il n'a pas l'air de suivre ce qui s'y passe. Encore une fois, dire que le WEC est un exemple pour Ferrari parce qu'ils sont champions du monde. C'est ne pas connaître la compétition automobile. Le WEC n'a rien à voir. Et si Ferrari gagne, c'est parce qu'ils ont eu une BOP qui a été avantageuse 3/4 de la saison. Alors, ils ont fait une très bonne saison, mais ils ont quand même failli être battus par l'équipe semi-officielle en plus, à laquelle ils fournissent une voiture. Et, ils ont du monde d'ailleurs. Comment? Qu'ils ont battu au Mans. Qu'ils ont battu au Mans. Il y a des tensions, ça fait depuis qu'ils sont revenus en WEC 2023, il y a des tensions entre les deux équipages. Ça se fout sur la gueule quasiment une course sur deux parce qu'il y a des consignes pas respectées, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, cette déclaration n'a aucun sens. Donc, voilà. Moi, je suis. Et franchement, en plus, se dire maintenant, alors que l'équipe avait déjà bien souffert ce week-end, c'est vraiment le pire timing possible. Et ben, là, si le but c'était de démoraliser tout le monde, je pense que ça va être bien, bien réussi. Et j'espère que Vasseur va réussir à remobiliser l'équipe avant Las Vegas, parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va avoir les boules. Je vais t'envoyer un petit certificat de fan de Ferrari. Eh ben écoute, ouais, non, mais en vrai, c'est. En plus, tu sais bien, parce que moi, je suis, j'ai une, en tant que fan de McLaren depuis les années 90, j'ai quand même cette rivalité entre les deux et je suis toujours plus McLaren que Ferrari. Mais vous savez, j'ai déjà dit dans cette émission que Ferrari, dans sa. Voilà, rien que pour Charles Leclerc, j'adore Frédéric Vasseur, j'aime bien Hamilton. Et c'est, voilà, c'est une équipe que j'ai envie de voir réussir, même si l'an dernier, je voulais pas qu'ils réussissent trop. Ça, j'ai envie de les voir quand même réussir. Et ça m'agace de voir qu'en fait ils s'abordent de l'intérieur, et déjà à l'époque avec Binotto ça s'abordait de l'intérieur. Là on fait venir Vasseur, on fait venir Hamilton, on dit voilà, on met Leclerc dans des bonnes dispositions, il continue de progresser, mais non, faut quand même qu'il y ait un mec qui vienne tout s'aborder, donc c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est le pire move possible. Et en plus Elkann n'est vraiment aucune, enfin je dirais Elkann, on l'a mis à la tête de Ferrari parce qu'il est de la famille, et Ferrari fonctionnait déjà sans son arrivée. Donc en fait, il a rien fait dans sa vie. Il a aucune légitimité à faire ce genre de commentaires. Donc c'est vraiment débile. Et je pense que ça va être, compliqué pour Ferrari sur cette fin de saison. Et c'est bien dommage. Donc voilà pour le coup de gueule. Donc effectivement, week-end compliqué pour Ferrari qui. Heureusement qu'on a 15 jours, parce que je pense que sinon ces déclarations là. Dès jeudi, on les soumettait à Leclerc et Hamilton. Je sais pas comment les commenter. Quoi. J'espère bien que quelqu'un va leur soumettre le week-end de Las Vegas. Hein. Franchement, ah oui, peut-être que Leclerc va dire, je vais pas répondre, que je parle trop apparemment. Donc... Ouais, j'aimerais bien qu'il y en a qui répondent pas. Ouais, ce serait bien. Je vois plus Hamilton faire ça qu'à Leclerc, mais. Voilà. Mais après, Hamilton et Leclerc sont censés être amis entre guillemets, puisque ils se fréquentaient entre ça guillemets. Ça va pas durer, je pense. Oui là. Ça n'a pas duré. En plus, ouais, je vois pour le coup quelqu'un qui parle trop chez Ferrari, c'est vraiment pas. J'aurais peut-être plutôt tendance effectivement à taper du doigt sur. À taper du poing sur Vasseur qui effectivement a tendance à un peu trop positiver les choses des fois. Voilà. Mmh. Mais bon, ça c'est plus sa bonhomie, sa nature, voilà, tout ça. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de sérieux derrière qui bosse. Mais les deux pilotes Ferrari, autant, là pour le coup, je les ai pas vraiment trouvés en remontée qu'on la soude derrière. Au contraire, quoi, plutôt en soutien, hein, pour le rappeler. Donc. Là, honnêtement, j'ai le cas, comme il y a qui ont dit dans le chat, peut-être qu'il avait un petit peu trop abusé de la boisson pendant cette soirée là où il était là, à Milan. Mmh. Donc, c'est étrange. En tout cas, c'est très étrange. Outrancieux et étrange. Otago a raison. En plus, Benedetto Vigna, qui est le maillon entre Vasseur et Elkann, avait dit que d'autres équipes étaient plus harmonieuse, tourner plus harmonieusement que Ferrari, là c'est un bel exemple qui vient d'en haut, hein, franchement. Bien joué. C'est vrai. Bien joué. Exactement. Ouais, donc voilà, en tout cas c'est. Un drapeau rouge. Drapeau rouge pour les rouges. Drapeau rouge pour l'équipe bleue. Et drapeau bleu du coup. Il était pas bleu à Monza. J'ai vu sur bleu partout moi à Monza. Ah oui, c'est vrai. Miami en dernier c'était bleu aussi. Bah ouais. Effectivement. C'est vous qui avez. Des bleus et blanches à Ferrari. Oui. C'est Franck qui est celui qui est sur l'autoroute et on lui dit attention, il y a un fou qui voit le contresens. Et non, mais tout le monde ou là. C'est un incompris, c'est tout. C'est ça. Non mais bon, c'est vrai que c'est triste pour Ferrari, ça me fait mal pour eux. Voilà en tout cas pour ce débrief du Grand Prix de Sao Paulo, Grand Prix du Brésil, qui était la 21e course. Il ne reste plus que 3 courses. Il reste Las Vegas dans 2 semaines, le Qatar dans 3 semaines et Abu Dhabi dans 4 semaines où le dénouement se fera peut-être. Pour les pilotes ou pas. Et voilà, en tout cas. On est plus sur le ou pas en ce moment. Hein, peut-être que Norris lui aussi sera titré un jour de sprint au Qatar, qui sait. Non, ce serait un peu tôt, je pense. Peut-être que McLaren sera titré. Norris sera titré. McLaren aura dépassé le budget de cap et ce sera Verstappen titré en mai 2026. Et Qatar, Mercedes possible, titré. Hein. Mercedes titré chez les constructeurs, du coup. Sprint au Qatar, c'est possible, si vraiment Piastri et Verstappen se loupent un peu trop sur la Zegas. Ah non, pas encore un titre mondial de sprint. Surtout un premier. Surtout un premier. Ouais, surtout non, premier Verstappen, Verstappen nous a fait la Zegas comme l'année dernière, c'était classe. Mais bon, c'est quand même un peu triste que ça sprint. Mais non, je pense pas, à mon avis, ça ira quand même peut-être jusqu'à Abu Dhabi. Tout ça. Ça va être l'heure des pronos, messieurs, puisque on a quand même on est fait, même si c'est pas alors on était hyper pessimiste par rapport à ce que oui, alors on a été des génies, on a été des génies sans le vouloir. C'est vrai qu'on avait tous parié sur Verstappen sur le podium et je vous avoue que samedi après-midi on s'est tous concertés en se disant c'est mal barré cette affaire. Mais voilà, et effectivement Rappel des pronos. Attends, je reprends. Ils ont épinglé. Ouais, ouais, c'est bon, je suis sur le message. Donc, Alex avait dit Verstappen, Russell, Piastri. Franck avait dit Verstappen, Piastri, Norris. Et moi, j'avais dit Norris, Verstappen, Russell. Donc, moi, j'ai deux pilotes du podium, un bien placé. T'as trois équipes même, hein. On peut dire que c'est quand même ouais, c'est vrai. Le plus proche. Ça, ça va. Ouais, Franck, toi, tu avais mis Norris en troisième et tu avais mis Verstappen et Piastri. Et Alex, tu avais mis Russell avec Verstappen et Piastri. Vous aviez totalement sous-estimé Lando Norris, messieurs. Et... Non, on était sur le rythme. Sur le rythme pur et la performance, on était. J'ai mis vainqueur la semaine dernière. On avait raison. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai que quand après les qualifications, on s'est dit ok, Verstappen gagnant. Bon. Ouais. Mais bon, au rythme pur, joli quand même. Ouais, ouais, non, franchement, c'était pas mal du tout. Et évidemment, on vous a fait nos pronos pour Las Vegas. Le casino. Le casino, ouais, là c'est la roulette. Alex, tu as mis Russell Verstappen Antonelli. Alors moi, je vous avoue que j'ai un peu balisé quand j'ai vu ce pronos. Alors que moi, je voulais faire strictement le même, mais j'ai changé. Ah. Donc, je voulais faire l'exact. Je l'ai dit dans le chat, hein. Notre chat commun. Et on va voir à quel point tu as confiance. Tu as mis Russell Antonelli, déjà doublé Mercedes. C'est pas devant, non plus un gros changement. Quoi. Devant Hamilton. Voilà. Qui apparemment aura arrêté de parler. du coup. Peut-être qu'il va moins parler. Et là, il a fait un podium. Et Hamilton. T'avais raison. Hamilton à Las Vegas. il va faire froid. Même. C'est vrai que s'il fait un podium, en plus, Alken dirait que c'est grâce à lui. Mercedes, elle aime bien le frais, elle aime bien Vegas, donc ça pourrait le faire. Mais Manu aime bien McLaren, c'est ça. Là. Et Manu, tu reposes quoi, toi? Bah, je sais plus où je l'ai mis. Parce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je l'ai fait le mien. Ah mais non, mais je l'ai pas fait le mien du coup. Wow, c'est incroyable. Tricheur. Ça. Bah c'est pas grave, je vais le faire en direct. Bah, moi je dis non, je vais même pas Doris. Je vais mettre Russell en vainqueur. Devant Verstappen et Norris. Non. Pourquoi tu non? Je vais mettre quelqu'un d'autre. Vous êtes chiant. Je vais mettre Verstappen devant Russell et Norris. Voilà. Je marque du coup dans la conversation parce que sinon on va le perdre. Russell et Norris. Ouais, en tout cas, on est tous en vue. Sur on espère que les McLaren vont faire des podiums. Hein, si... on aura l'air bien beau. Voilà, comme ça au moins je le marque. Bon, si au moins on avait Ferrari sur le podium, je peux pas être sûr d'avoir été le seul un peu visionnaire. Mais bon, comme il fera noir là-bas à nuit, on la verra pas, donc on saura pas de quelle couleur elle était. Oh, ouais. Tu pourrais dire, qu'elle est bleue. Bleu argent. Peut-être qu'ils auront une livrée spéciale, qui sait. Bon, en tout cas, vous. Puisqu'il y aura sûrement 60 casques spéciaux dans le week-end, hein, puisque tout le monde en aura un différent chaque jour. Et puis, il y aura peut-être 5 ou 6 livrées spéciales, qui sait. Donc voilà. Un gros scot pour Mercedes au sein de la rédaction. Bah ouais, moi j'aurais bien aimé, mais on m'a dit on m'a interdit de les mettre. Alors, du coup... non, on m'a dit tellement gros scot que du coup je suis allé sur le doublé. Donc, ouais, c'est vrai. Bon, ça reste extrêmement aléatoire, comme les gars, vous savez qu'on l'a dit, ça devient extrêmement difficile de pronostiquer. Mmh. Bah là en fait, on a mis les deux vainqueurs des deux dernières années à Las Vegas, mais c'est compliqué. Hein. À part Tsunoda, c'est le seul qu'on on peut pas pronostiquer vraiment. Quoi. Et là, il gagne, c'est le truc improbable. Non, le problème, c'est que même s'il y avait un abandon de tous les autres des top teams, je suis pas sûr qu'ils gagneraient, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est un peu triste. En tout cas, voilà, bah, écoutez, on arrive au bout de ce 21e débriefing de la saison. Merci Alex, merci Franck d'avoir été là ce soir. Merci à tout le monde de nous suivre toujours de manière aussi assidue. Vous avez été plus nombreux que d'habitude ce week-end sur le site, donc merci à vous. Donc, merci comme ça. De nous soutenir constamment. Merci à Joki qui a pris un abonnement, 17e mois d'abonnement à la chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Ouais, j'en profite juste avant d'oublier. Sous les articles, vous avez un lien vers notre chaîne Google News et notre WhatsApp. Donc vous pouvez nous abonner pour avoir plus d'infos et nous suivre plus directement. Ne pas nous rater en termes, voilà. Notamment le canal WhatsApp, on essaie de glisser un petit peu des infos un peu en avant-première et tout. Mmh. Si vous avez WhatsApp, voilà, ça se met en sourdine chez vous, donc vous le consultez quand vous voulez, ou vous le mettez pas en sourdine, c'est comme vous voulez. Ça ne peut pas être trop... best-of un peu de... Voilà ça, on ne voit pas 14 000 trucs par jour non plus, voilà, on met rarement plus d'un ou deux, et un peu plus sur le week-end de Grand Prix, mais ça reste très discret. Donc voilà, et puis voilà, suivez-nous sur notre Google News aussi, donc comme ça vous avez nos meilleures actus de manière spontanée sur vos smartphones. Tout à fait, exactement. Et puis n'oubliez pas, si vous voyez le pull d'Alex bleu, allez chez l'opticien rapidement, chez l'ophtalmo, parce que c'est qu'un souci. T'as des actions ou chef loup quoi. Pas du tout, je n'ai pas cité de marque. Allez chez votre ophtalmo préféré. Non, mais évidemment, voilà. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi et d'avoir participé à nos blagues tout au long de ce numéro. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Alors, les horaires de Vegas, ce sera compliqué. Ah oui. Des essais libres à 1h30, des qualifs à 5h du matin. Et bon, ça va être. On offre 1000 euros à chaque. Non, je plaisante. Attends, moi j'étais déjà en train d'écouter. Et non, voilà. Donc, non, pour l'instant. Il n'y a personne qui aura parié sur le podium de Colapinto, sinon c'est lui qui me donne 1000 euros. Et puis. Et là, Colapinto fait un podium. Ouais. Et là, il y a des grosses cotes des fois. Et voilà, et puis donc, à suivre comme d'habitude sur Next Gen Auto. Hein, ce sera en direct, malgré les horaires, je prévois beaucoup de café. Et puis, ce sera évidemment un débriefing le lundi soir. On aura sûrement quelques cernes, mais évidemment, on sera quand même au rendez-vous pour vous faire vivre en direct et puis débriefer avec vous le Grand Prix de Las Vegas, 22e course de la saison. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci, bye bye. Ciao. Bye.